C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rocky. Alex Marchand nous fera entendre du boum boum dans son segment musical Nightlife. Et David Perron fera la bouboune pour se donner un air sérieux dans la chronique Zone Campus. Boum boum baboune. Assemblage Rocky commence tout de suite. Assemblage Rocky. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Rocky. Assemblage Rocky. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Rocky. Oui. Assemblage Rocky. Bonjour, bienvenue à Assemblage Rocky en ce mercredi 25 octobre 2017. On est à 184 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin, on est en direct des studios de C'est fou, comme tu l'as dit, à Trois-Rivières. Et ça sent. Ça... Ben, il me semble que tu l'as dit. Pas sûr que. Ah, peut-être pas, Mais ça sent ce matin le fait que peu importe si on est en relâche à l'université ou non. Oui. Ça l'a festoyé hier dans le pavillon de la Chasse-Galerie. Ça fait controverse, hein, les soirs de la Chasse-Galerie en ce moment sur Spotted. Avez-vous vu passer ça? Oui, j'ai vu passer ça. C'est les gens sont pas contents. Dégueulasse. Ouais. En mes 9 ans à l'UQTR, il n'y a pas une année qu'il n'y a pas eu de commentaires là-dessus. Ah, mais t'avais pas Spotted dans le temps. Il n'y avait pas Spotted. C'est ça, exactement. Avant, le monde se le disait en personne. C'est ça, mais là, ça s'est rendu jusqu'à la Chasse-Galerie. Et ils sont au courant. Hein. Quand je suis rentré à l'UQTR, il y avait encore moyen d'avoir une vie sociale et de ne pas avoir Facebook. Ouais. Ah oui, c'est ça la différence. Hein. Bon et oui, je viens de ces temps immémoriaux et préhistoriques. Là. Mais c'est drôle, quand t'arrives à un certain âge, je sais pas pour toi, Sébastien, si tu vois ça chez les autres, là, mais alors, à un certain âge, tu commences à faire des commentaires sur le fait que t'es vieux tout le temps, genre. Ouais. Comme, ah oui, mais je suis rendu l'homme aussi. T'es bien trop vieux pour connaître ça, les Pokémon. Ah, t'es bien trop vieux pour ça. Oui, hashtag hein? Notre discussion avant qu'il y ait le micro. Ouais, c'est ça, pendant la toune de 6 minutes qui jouait juste avant qu'il y ait le micro. Bref, c'est Sébastien F. Gartin que vous entendez là. Je sais pas pourquoi j'ai envie de t'appeler autrement, mais c'est comme ça ton nom. Aujourd'hui, à l'émission, les amis, on a un bon gros plan, c'est-à-dire plein d'invités. On va avoir à 8h Alex Marchand pour sa chronique musicale Nightlife. Il va nous présenter plein de bands d'artistes qui soit remix des tunes. Ou bien ils font des tunes qui sont faites pour faire le party. Ça, c'est à 8h. Ensuite, à 8h30, David Ferron va être là pour parler de nouvelles du campus dans la chronique Zone Campus. Simple comme ça. Mm-hmm. Ta chronique s'en vient vers la fin de l'émission. Tania is gonna entertain you, c'est son nom. Oui, exactement. Qu'est-ce qui s'en vient? On va parler de relations aujourd'hui, Mathieu. T'sais, tu sais à quel point on aime ça, toi et moi, les relations qui fonctionnent pas. Ah, OK, oui, je me demandais où ça allait. On va en parler, justement. Ah oui, on aime ça quand les couples se défont, c'est ça? On veut briser des couples, briser des familles? Ah, peut-être. Ou on veut savoir pourquoi ils se brisent. Ah! On aime ça. Pas mal plus intéressant qu'occupation. Ben oui. Hein. On parlait de J'ai du temple avant l'émission aussi. Oui, ouais, aussi. Que c'est le typique... Le modèle de la mode masculine en ce moment, genre, il suit toutes les petites modes qu'il y a. Mais je sais pas si c'est lui qui suit toutes les petites modes ou si c'est les gars qui font ça. Est-ce que tu penses qu'il crée les modes? Tu penses qu'il y a ce pouvoir-là? Ben, je pense qu'il y a présentement, peut-être. Avec son man-bun, les YouTubers, c'est pas mal, eux autres. Ouais, c'est ça. Tu sais, le man-bun, la barbe, les chemises à ananas ou à flamant. Ouais, c'est ça, ouais. Là. Ouais. Les imprimés bizarres que normalement tu voyais juste ces rideaux de chez ta grand-mère. Les ça. Rideaux de douche. Ouais, c'est ça. Wow. Bref, est-ce qu'on se commence ça, cette émission? On devrait. À la place de remettre ça plus tard. C'est la chronique de Sébastien F. Gartin. Voici le bulletin Gartin. Une fenêtre de Facebook d'ouverte, ça fait ça. Je peux pas ouvrir Facebook ever. Non, mais je crois, Mathieu, que ce matin, nos ordinateurs ont peut-être subi les effets de la pluie hier soir. Pas encore. Oui. Il y a tout le temps quelque chose qui pète à chaque semaine, ces temps-ci, c'est incroyable. C'est comme ça. Radio communautaire. Et voilà. Avec pas de budget. Avec pas de budget. Parlant de avec pas de, c'est ça que tu veux avec dire. Avec podcast hein? Aujourd'hui. D'ailleurs, c'est drôle, Tania, que ta chronique parle de relations de couple qui vont pas bien, parce que moi, je vais parler d'une relation de couple qui commence mal. Oh! Fait que ça regarde pas bien. Elle n'est pas encore vraiment commencé, puis ça regarde déjà pas bien. Je parle de la fusion, avec des gros guillemets, de QS et Option Nationale. C'est parti, c'est nouveau logo aussi. Oh my god. Les couleurs de l'un, et puis c'est quoi le nom de l'autre? Such fail. Eh hey boy. Ils sont tellement laids. Ah, mais tout le monde parle contre, puis je trouve. Honnêtement, là, celui avec les deux macaronis, moi, je l'aime bien quand même. Ben. Je l'ai fait le sondage personnellement. Ouais. Je vois lui, je fais comme. Tu sais, il faut mettre des étoiles sur 5, mettons. Ouais, il est comme différent un peu. Ouais. 3 étoiles. Les deux autres sont affreusement laids. Les autres, c'est comme. Ouais, je suis obligé de mettre une étoile là-dessus. C'est pas super cute. Ça n'a juste pas rapport. C'est. Je ne comprends pas la démarche derrière ça. Tu as vu la parodie? Il y en a un que c'est les triangles de l'Illuminati à la place? Ah oui, c'est ah vrai. Ah oui. Il y en a un autre aussi, c'est le logo de la Starfleet dans Star Trek. Exactement, exactement. Dernier, je me rappelle plus qu'est-ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils l'ont juste laissé comme ça. Mon truc. Bref, c'est ça pour qu'on parle. Cherchez Québec solidaire logo 2017 là, et vous allez en rire un petit peu. C'est horrible. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire parce que tout le monde systématiquement les bash solides. Et là, c'est comme les trois finalistes. C'est que Québec solidaire avait déjà un magnifique logo. ON avait déjà un magnifique logo. Attends un peu. Tu trouvais le logo de Québec solidaire magnifique? Il faisait quétaine, mais au moins il signifiait de quoi? Ça a vraiment l'air d'une organisation communautaire sans vouloir parler de organisations communautaires. Oui, mais on en est une. c'est ça pareil. C'est Québec solidaire, Caroline. C'est une organisation. Ouais. OK, gros dénonciation de conflit d'intérêts présentement. J'ai ma carte de Québec solidaire depuis 5 ans. Ah ouais. Mm-hmm. Donc, fait que ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, je me ferai quand même pas d'amis parce que les opinions nuancées, puis on s'entend, c'est pas juste des logos que je voulais parler, là. Les opinions nuancées, d'habitude, c'est pas très populaire avec les militants. Non, c'est vrai. Donc, je risque de ne pas me faire d'amis dans ma gang aujourd'hui, ni dans la gang d'Option Nationale. Mais t'es quand même nuancé dans tes propos habituellement. Ouais, ouais, c'est même. Ça, mais les gens aiment pas ça. C'est vrai. Mais on ne prend pas mal que généralement, ça. Généralement, nuancé, ce que ça donne, c'est que des deux bords ils taillissent. Ouais, souvent, ouais. C'est on ça. On a eu des discussions là-dessus récemment. Et on a eu des chroniqueurs qui étaient d'un bord ou de l'autre, et puis on a vu que c'était pas notre créneau du tout de faire de la propagande politique. Non. Fait qu'on amène les gens nuancés. C'est ça, on amène les gens nuancés. Quoi? Ben c'est vrai. Non, ben c'est vrai, ils sont partis par eux-mêmes, hein. Ben oui, problème. Ben, c'est ça. Je n'ai aucune idée de qui vous parlez. Non, mais pour vrai, je sais pas qui vous parlez. On l'adore. Mais non. On l'est, ça là. Bref. Bon, hey. Ceci étant dit, on a niaisé un peu, puis tout, faut quand même avoir un peu de structure. Donc, oui. De quoi qu'on parle? On parle du fait que Option Nationale et Québec solidaire ont décidé de fusionner. Mais en fait, je vais tout de suite tomber éditorial, c'est pas tant une fusion que Québec solidaire qui avale Option Nationale. Okay. Comme un blob. Je pense que la meilleure représentation de comment que ça se passe a été faite à l'émission Infoman, où Jean-René Dufort suit le speech de Gabriel Nadeau-Dubois qui explique comment ça va se passer en prenant des notes sur un tableau blanc avec son fidèle sarrau blanc de scientifique et son air un peu perdu. Et c'est de toutes les beautés parce qu'effectivement, ça a tout l'air de... Ben, Québec solidaire bouffe Option Nationale. Ouais. En gros, c'est ça qui arrive. Option Nationale va devenir un genre de sous-comité à l'intérieur de Québec solidaire. Comment il s'appelle, donc? Zanetti. Sol Zanetti. Parce que, dites-vous que je connais un autre Sol dans la vie, c'est rare, hein? Oui, en effet. Fait que je m'en allais dire son nom à lui à la place. Sol Zanetti va devenir l'espèce de président de ce comité-là. OK. Le parti va continuer de s'appeler Québec solidaire. Avec, dans le fond, toutes les... Le logo d'Option Nationale. C'est ça. Ben, avec... La moitié. Des logos... C'est ça, qui sortent, ouais. Je pense que c'est le terme, des logos fuck out. Exactement. Là, c'est ça ce qui arrive, c'est que dans les genres de logos fuck out, ben, on se rappelle, Québec solidaire, normalement, c'est le orange. Mm-hmm. L'espèce de petit bonhomme allumette là, qui est bras dans air avec des petites c'est coches ça. Au-dessus, qui a l'air de pitcher des confettis. Ça fait, c'est quoi, la télé aborigène, je sais pas quoi, là? APTN, oui, ça ressemble un petit peu à ça. Ben, c'est le même orange que genre Rona puis Home Depot. Le concept, en fait, c'est que, entre autres, le concept de l'ancien logo de Québec solidaire, c'est qu'à l'origine, le logo n'était pas que orange. Les petits confettis dans les airs étaient plein de couleurs différentes et ça symbolisait la diversité. Autant la diversité ethnique que d'idéologie, que de... Bon, c'est ça, parce que Québec solidaire se voulait un vent de fraîcheur dans ses partis néolibéraux qui dominait la scène, qui domine en fait encore la scène politique québécoise. Tu sais, je comprends que d'avoir enlevé les couleurs rend le logo un petit peu plus beau, mais en même temps, ça fait plus uniforme que l'autre chose. Oui, c'est ça. Mais là, c'est devenu orange. C'est un peu une référence, en fait, au, dans la culture canadienne. L'orange, c'est relié au... culture politique canadienne, l'orange, c'est relié au NPD, mm-hmm. qui est le parti de gauche officiel canadien, le parti plus socialiste, qui est relié à l'international, qui est un genre de syndicat de partis internationaux qui sont pour le socialisme, l'intervention de l'État pour l'équité, puis ainsi de suite. Donc c'est ça. T'as tout un peu des références à ça. Souvent, d'ailleurs, c'est ça, c'est l'orange. C'est une couleur qui punch, puis qui se distinguait des autres couleurs. Bon, il y a le traditionnel parti vert aussi. Le bleu était pris par le PQ et généralement, à part de ça, par les conservateurs. Mm-hmm. Le rouge, ben ça... c'est le parti libéral. Fait que couleur punchée restait l'orange. C'est un peu ouais. par défaut aussi. Ouais. Là, parce que tu sais, le parti vert, on s'entend, ça existe depuis des lurettes, depuis belle lurette. Ce qui est drôle, c'est que parfois, Québec solidaire est plus vert que le parti vert, mais ça, on a surtout le parti vert libéral, mais ça, c'est un sujet pour une autre fois. Donc, Option nationale de leur côté, ben c'était bleu. Donc, ce qui arrive, c'est que présentement, on a les fameux logos, ben sont principalement orange, avec des fortes touches de bleu indigo mauve, mm-hmm. ouais. qui est pas vraiment le bleu d'Option nationale. Option nationale, c'était très proche du PQ, en fait, en termes de couleur. Ouais. C'est justement bleu, plus un genre de bleu ciel, bleu royal, ouais. là, plus proche du bleu du drapeau québécois. Ils ont voulu sûrement, tant qu'à faire ça, se distinguer, ouais. Ouais. Puis là, c'est ça. Bon, comme je disais, ça a un petit air de hostile takeover d'un côté, et de l'autre bord, ben on n'a pas de bel choix parce qu'on a 85% de option nationale. C'était à peu près ça aux dernières élections. C'était 0.85% mm-hmm. de vote. 86, mm-hmm. truc comme ça. Pas 86, point. Point, ouais, 80, point 86, pas tout à fait 1% des votes. Petra Balloon, c'est ça? À point... C'est ouais, je pense que ça ressemblerait à ça. C'est 0.0. Ouais, c'est ça. Balloon. Fait qu'il est peut-être pas mal rendu là. En fait, à 0.8% d'alcool dans ton sang, je pense que t'es mort. Ouais, il y a une différence entre les pourcents et les pour mille là, par rapport à ça. Ouais, là, c'est là, ça. En tout cas, bref. Mais bref. On s'en va encore pour là-dedans. Une question pour. Justine a fait encore sa chronique. Ouais, ben oui, ouais, mais c'est. Et tu écoutes souvent, hein, c'est. Ouais. Question pour Justine. Ouais. Donc. Fait que c'est ça. Fait que, bon, tandis que QS, avec son 10-12%, est quand même plus respectable. Plus respectable. Option nationale n'a jamais vraiment fait élire. La seule fois qu'Option nationale a eu un député, en fait, c'est quand que ça a été fondé et que le chef fondateur, Jean-Martin Hossan, était député indépendant et est devenu le chef d'Option nationale, mmh. en fondant Option nationale alors qu'il était député indépendant. Donc, pendant un certain temps, ils ont eu un député à l'Assemblée nationale. Par défaut, un peu, c'était pas... C'est ça. Les gens n'ont pas voté pour le parti. C'est ça. En même temps, ce que Jean-Martin Hossan disait, c'est que, ben, en fait, lui avait été élu sous la bannière du PQ à l'origine. Mm-hmm. Il a quitté le PQ parce qu'il y a eu certains moves qui ont été faits par le PQ qui disaient « Ce n'est pas le parti pour lequel je me suis inscrit. Mm-hmm. » Ça va absolument contre les valeurs que je pensais défendre avec ce parti-là, d'où son départ. D'ailleurs, à l'époque, il était quatre à être partis presque en même temps, dont la maintenant veuve de M. Parizeau, ouais. Lisette Lapointe, qui était partie à ce moment-là à peu près en même temps. Donc là, lui, il avait refondé Option nationale, un petit historique tant qu'à y être, il avait refondé Option nationale sur ce que lui considérait qui devait être les valeurs du PQ. À l'époque, c'était en 2011. 2010? Ouais, je pense que ça ressemble à ça. Faire comme ça. C'est dans le temps que le Colisée, le détecteur d'incendie de Québec n'était pas encore construit. le fameux amphithéâtre. Là. En fait, c'était sur la question de l'amphithéâtre. Le centre câble-distributeur qui n'en est pas un. Oui, c'est ça. Donc, les Nordiques. Hein? Les Merdiques? Les Nordiques qui sont revenus. Donc... 2011. Bon, j'étais pas loin. Le 31 octobre 2011. Hey, tu vois, toi, tu fais avec podcast, puis Tania est ton casque, finalement. Ouais, c'est ça. Tania, c'est comme notre recherchiste live. Ouais, exactement. Recherchiste extrême. Elle a le talent. Tu parles, puis en plus, tu recherches en même temps. T'es comme deux fois ce que je fais. Donc, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que là, les deux parties ont décidé de fusionner. Bon, c'est sûr qu'évidemment, quand il existe des choses comme ça, c'est sûr que c'est normal que le parti qui est plus fort. Qui a moins à gagner de ça, techniquement, va garder, tu sais, dans le sens que c'est le parti qui est déjà plus fort et ainsi de suite, ouais, va faire moins de concessions que l'autre. Donc oui, ils gardent le nom. Ils ont oui, le gros bout du bâton. C'est ça, ils ont le gros bout du bâton. Ils vont intégrer les ressources financières d'Option nationale dans celles de Québec solidaire. Mais, oh, attention, les ressources d'Option nationale vont rester dans des budgets du comité, ce qui va maintenant être le comité d'Option nationale. OK. Ouais. Donc, ça va être, ces fonds-là vont être seulement utilisés pour la promotion de la souveraineté. C'est ça, les gobelets qui vont s'en occuper. Là. C'est ça? Oui. Zanetti. C'est ça, Zanetti. Ouais. Donc, Sol Zanetti, c'est un peu un gars encore, malgré que ça fait plusieurs années maintenant qu'il est chef d'Option nationale, il est encore un peu méconnu du public. Mm-hmm. Moi-même, je pourrais pas dire que j'en sais beaucoup à son sujet. Par contre, un excellent argumentateur et il est capable. Argumentateur, ouais. Excusez, okay, il est tôt le matin, il fait encore non, moins. Non, je voulais juste voir si c'était un jeu de mots comme dans genre il dit des affaires, mais c'est pas nécessairement tout le temps vrai. Non, non. OK. Non. C'est juste que mon cerveau est encore partiellement dans le lit à côté de ma blonde. C'est correct. Le mien est rempli de muqueux, c'est correct. Ah. Des choses qui arrivent. Maudit mois d'octobre, hein? Ouais, vraiment. On l'a eu. Tania qui boit pas pendant le mois. Ah, c'est comme ça. Ben, tu vois, c'est la seule qui est en forme ici. Ouais. Effectivement. Voilà. Donc, je m'excuse, je ferai ça ton cas, mais non, ça va, il n'y a aucun problème. Écoute, je sais. Hey, j'avoue, les gens de nos jours, je sais pas, quand tu fais un commentaire positif, ils te demandent toujours. Ben là, c'est parce que ça a l'air sarcastique. Hey, mais man, accuse-moi pas de ça, là. Non. Je l'ai pas mal pris. Okay. Non, c'est toi, c'est bon. J'aime pas ça me faire dire que je suis sarcastique alors que je le suis pas. Mais c'est j'imagine que tu savais, Sébastien, que Sol est un professeur de philo. Ben, tu me l'apprends, honnêtement. Pour vrai? Hey. C'est ça une chronique avec podcast. Ah. On découvre des choses ensemble. Il est enseignant de philo au campus Notre-Dame de Foix. Ah, il aurait dû être prof de musique avec son nom. Tu sais que Sol, en fait, en espagnol, ça veut dire soleil. Oh, c'est vrai aussi. Une sorte de bière aussi. Oui, c'est ça, je me le disais. Celle-là, je la connais. Ah, que ça va. Donc, ouais. Ce que je disais. Mm-hmm. Qu'est-ce que je disais déjà? C'est en espagnol ou en italien, j'ai un doute. Mais anyway, tu peux-tu nous chercher ça, Daniel, s'il te plaît? C'est pas vrai. C'est pas très pertinent. Donc, c'est ça. Ce qui se passe. En fait, moi, ce que je m'en allais dire, c'est que c'est un. Il y a son petit livre qui fait dire oui. Qui a publié il y a un certain temps, qui était en fait un pamphlet pour la souveraineté. Exactement. C'était de la propagande, on va se dire. Oui, c'est de la propagande, mais en fait, il y a beaucoup de bons arguments dedans quand même. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il ratisse dans toutes les gammes d'arguments pour la souveraineté. Bon, ce que QS Québec solidaire va se chercher avec ça, là, c'est le bout de ce que je vais commencer à me faire détester par du monde. D'accord. Ce que Québec solidaire va se chercher par ça, c'est... je dirais jusqu'à un certain point. Bon, premièrement, la cessation de la division du vote de gauche, c'est-à-dire du vote plus progressiste, moins mainstream politics, ce qui les aide un peu, mais pas tant que ça, parce que c'était pas comme si Québec, c'est pas comme si Option nationale était le gros obstacle à se faire élire des députés solidaires. C'en était un, mais à peine. L'autre chose aussi, ben, c'est d'aller se chercher une crédibilité souverainiste, en fait. Puis c'est là que ça va faire. Ah, oh boy. Parce que, bon, ce qui arrive, c'est que Québec solidaire, depuis pas ses débuts, mais presque, est un parti qui dit, bon, si vous nous posez la question directement, sommes-nous souverainistes, la réponse la plus honnête, c'est oui. Par contre, comme ben des affaires avec Québec solidaire, et gardez en tête que je suis un peu un convaincu de ce que Québec solidaire propose... Ouais. Pas toujours un convaincu de comment c'est présenté, par contre, mais ça, c'est une autre histoire. T'es nuancé, c'est ça qu'on dit. Gars de philo, gars de principe, fait que des fois, le parti me tombe ses nerfs, mais je suis comme, c'est quand même celui qui a la plateforme qui me parle le plus. Ouais. D'ailleurs, on entend souvent, by the way, que beaucoup de gens critiquer que Québec solidaire pèle du nuage et ainsi de suite. Lisez la plateforme, c'est beaucoup moins monde de filles de licorne que ce qu'on serait porté à y penser, en fait. Mm. C'est une des plateformes, j'ai entendu des économistes qui tiraient quasiment à droite, en fait, voter pour eux autres juste pour dire ben c'est la seule plateforme qu'on sait où ce qu'ils prennent l'argent pour faire leurs dépenses. Mm. C'est bête comme ça. Chaque affaire qui coûte de quoi a quelque chose qu'on économise dessus pour le financer. Mm. Okay. Donc, la plupart des... En fait, ce qui est pas souvent représenté, puis je trouve que... Puis là encore, je vais y venir, pourquoi est-ce que QS va peut-être gagner quelque chose là-dessus, c'est que QS a de la misère à parler d'économie, mettons. À parler, puis, tu sais, je suis le premier à déplorer le fait qu'on obsède donc avec l'économie. On se dit, tu sais, la question, c'est qu'est-ce qu'on a besoin en tant que société? OK, à cette heure, comment qu'on le finance? Mmh. Et non, en a-t-il les moyens de faire ça? Oui, on a les moyens. On est une communauté politique, on est souverain, on peut faire ce qu'on veut. Genre. Ouais. À l'intérieur de la moralité, mettons. Donc, Québec solidaire était presque toujours été kind of souverainiste. Pourquoi je dis kind of? Ben c'est que n'était pas assez pour certaines personnes. C'est que ce que Québec solidaire propose, en gros, c'est que le jour qu'on a un gouvernement solidaire, ben on commence une démarche constituante. Qu'est-ce que c'est une démarche constituante? C'est que on fait élire en fait un comité de personnes de tous horizons au Québec. Immigration, le mot que je déteste, des « de souche », entre guillemets, ouais, ouais. Ce que j'aime appeler par ma longue formule des Québécois blancs de, francophones d'héritage catholique. Récent, oui. Oui. C'est ça. Ce que généralement on appelle des Québécois de souche, mais que je déteste l'expression, là, en tout cas. C'est par souci de clarté qu'on comprenne ce que je veux dire. Et ben, évidemment, des gens de toutes les classes économiques, de toutes les, classes sociales, de tous les genres d'emplois, et ainsi de suite. Donc, un genre de comité diversifié pour écrire une constitution du Québec, okay. Qui ensuite serait passée en référendum. Et si cette constitution-là, ben en fait, vu qu'on aurait une constitution distincte du Canada, ben ça serait déjà là un genre de déclaration d'indépendance ou de semi-indépendance. Et ben là, on serait comme genre en train de faire la souveraineté. C'est une démarche qui a été très discutée. Ça ne s'est jamais vu jusqu'à date dans l'histoire récente internationale d'y aller par cette méthode-là. Mais c'est une genre d'indépendance soft. Ouais. Mm-hmm. Dans le sens qu'on continuerait à avoir des genres de partenariats économiques avec le Canada, mais on serait politiquement vraiment distinct. Mm-hmm. Ce qui serait, en quelque part, une genre de transition par rapport à ce qu'on a là, qu'on est déjà un petit peu plus politiquement distinct au Québec, mais vraiment des peanuts par rapport aux autres provinces. On est un peu des... une formule que j'aime bien, que je dois à mon directeur de maîtrise, Stéphane Courtois, c'est on est un peu des exilés à l'intérieur du Canada, présentement le Québec, dans le sens qu'on est semi-indépendant, mais notre indépendance n'est pas nécessairement très reconnue. Ouais, c'est ça. On a certaines affaires qui nous ont été données, mais c'est des choses qu'en fait... C'est juste que nous, on a coché cette option-là, mais les autres provinces avaient le droit de le faire aussi. C'est juste qu'ils ont choisi de ne pas le faire. Mm-hmm. Comme de percevoir nos propres impôts, entre autres. Des choses comme ça. Les impôts provinciaux sont perçus par le fédéral pour les autres provinces, puis le fédéral les redistribue. Mm-hmm. Nous, on les perçoit nous autres mêmes. Ce qui fait travailler du monde, en fait, au Québec. Ouais. C'est pas à cause de ça qu'on a des supposément des impôts plus élevés, mais là, c'est un autre sujet, d'accord. Oui, donc, vraiment. Puis c'est ça. Puis c'est un peu... Ça sera toujours le problème un peu avec Québec solidaire, c'est qu'en quelque part, justement, les propositions et ainsi de suite sont toujours assez nuancées et tout le temps un petit peu techniques, mm-hmm. Ce qui fait que c'est toujours plus difficile que de dire « Ah, oh, ben c'est vos impôts! » Tu sais, ouais. Ça s'explique moins. Puis c'est pour ça qu'on a l'impression que la plupart des figures de proue de Québec solidaire sont toujours en train de faire des grands speeches incompréhensibles et tout, parce que les positions sont un peu complexes, les points de vue sont un peu complexes, l'argumentaire est un peu complexe. Fait que c'est plus dur à transformer en propagande facilement digérable. Anti-slogan. Anti-slogan, ouais. C'est dans ça. Les petits impôts qu'on fait les meilleurs onguents. Ouais, c'est ça. Genre. Le genre d'affaires qu'on entendrait Adrien Pouliot du Parti conservateur du Québec lâcher. C'est-à-dire du troisième Parti conservateur du Québec. Là, oh, ouais. Parce qu'on a au moins deux autres. Mm-hmm. Mais ouais. Donc, c'est ça. Ce que Québec solidaire va se chercher aussi, ben c'est ça, c'est que c'est en fait... Option nationale a toujours eu presque la même plateforme. En fait, les grandes lignes sont assez semblables. La grosse différence... Il y a deux différences majeures. C'est que, d'un, l'importance mise sur la souveraineté. Comme telle, la démarche d'accession à la souveraineté d'ON n'est pas tellement différente. J'ai même moi-même de la misère à vous expliquer la différence entre les deux. Ça va se ressembler pas mal... Et la différence, par contre, c'est que Québec solidaire, la raison pour laquelle ils veulent faire cette genre d'indépendance-là, ben, c'est pour dire le Canada est un trop... Le Québec solidaire, en fait, on pourrait dire sont souverainistes parce qu'ils sont démocrates. OK. Quand on dit démocrate, c'est-à-dire que, ben une chose importante, c'est la souveraineté du peuple. C'est-à-dire que les décisions sont prises par monsieur, madame, tout le monde le plus possible. Donc, plus souvent de référendums, plus de discussions publiques sur les sujets. Et non, présentement, on vit dans une genre de tyrannie démocratique, dans le sens qu'on élit nos tyrans aux 4 ans. On leur fait confiance pendant 4 ans. C'est ça, on leur fait confiance pendant 4 ans. On n'a pas vraiment de pouvoir sur qu'est-ce qui se décide, autre que de dire... Le pouvoir est plus au niveau local, c'est ça? C'est ça, c'est que QS, le but ultime, c'est de revenir à avoir un pouvoir plus local. Donc, en sortant politiquement de l'ensemble canadien, qui est immense, on va se le dire. D'un essayant à l'autre. C'est de revenir à ce que le pouvoir, les décisions se prennent plus proche des gens. Tu sais, des exemples de... Tu sais, moi, c'est des trucs qui moi-même m'ont fait avant. J'ai pas toujours été souverainiste comme je suis là, personnellement. Ben, une des choses, c'est bien bête, mais on a des trains qui passent en plein milieu de notre ville à Trois-Rivières. Ouais. Je vais te donner un exemple d'ici, là. Des trains qui passent en plein milieu de notre ville à Trois-Rivières. C'est la... comment qu'elle s'appelle, donc? Montréal-Gatineau, une affaire comme ça? Ouais, Québec-Gatineau. Québec-Gatineau, c'est ça. Qui gère ça? On sait que cette compagnie-là transporte des matières dangereuses. Ouais. Si, par exemple, le maire de Trois-Rivières, qui là encore est un autre sujet, décide de... aimerait savoir, mettons, question de faire de la prévention, de se dire, ah ouais, proche de où est-ce que ça passe, il y a des habitations, puis on aimerait peut-être construire à côté de ça une unité d'intervention rapide au cas où il y a un déversement à côté des blocs appartements. Ouais. On aimerait savoir ce qu'il y a dans ces trains-là. Ben, savez-vous qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Le maire de Trois-Rivières? Non. Pour quelque chose qui passe sur son territoire? Il appelle le ministre des Transports au fédéral. Oh. Demande la permission de savoir ce qu'il y a dans ce train-là. Le ministre des Transports va voir la... Déjà là, c'est... T'es un maire d'une ville comme Trois-Rivières. Va voir le ministre fédéral au transport. T'es pas très haut sur sa liste de priorités. Non, c'est ça. Déjà. Ils vont prendre le message. La foi qui décide de te répondre, ben, la Québec et Gatineau n'ont pas le goût de te le dire. Mm-hmm. Mange la main. Ouais. C'est ça. C'est de même. S'il y a un déversement, ah là, on va te le dire, mais même à ça, c'est le fédéral qu'il faut que ça en occupe, parce que c'est une compétence fédérale. Fait que, ouais, tu sais, c'est l'idée, c'est les non-sens comme ça de les éviter. C'est concret. Ouais. Concrètement, c'est des choses comme ça qu'on essaye d'éviter. Puis des décisions, tu sais, il y en a qui parlent de « on sera pas capable de vivre sans le Canada », la péréquation, puis toute la péréquation, on en parle, on se dit « ah, on reçoit des millions de ça par année ». Oui, parce que la péréquation, c'est compenser pour ce que ça nous coûte d'être dans le Canada présentement. C'est les opportunités économiques qu'on perd en étant dans le Canada présentement, ça compense pour ça. Parce que depuis plusieurs années, quasiment décennies, le Canada a décidé d'investir dans les sables bitumineux. By the way, c'est payant juste si c'est hyper subventionné, les sables bitumineux présentement. Fait que non, c'est pas la panacée qu'on pense. Ce qui fait que ben l'Alberta, qui est le principal récipiendaire de cette aide-là sur les sables bitumineux, ben paye la péréquation aux provinces comme le Québec qui ne profitent pas de ces subventions-là. C'est ça, la péréquation. Donc, puis à peu près tous les calculs qui ont été faits disent qu'en fait, on est perdant cette péréquation-là, juste du nombre d'affaires qu'on aurait pu avoir des contrats que finalement, le Canada a décidé de financer la même chose ailleurs, dans le fond, puis que le Québec, on a juste fait, ben, OK, on peut pas le faire. OK. Mm-hmm. Fait, bref, là, j'embarque dans les raisons pourquoi, mais en fait, c'est à peu près... C'est les raisons pour lesquelles Québec solidaire est pour c'est de ramener tout ce pouvoir-là vers les gens, dans le fond. Option nationale, de l'autre côté, ben, ça a été fondé par Jean-Martin Hossan, qui est un économiste à la base. Il est connu pour avoir travaillé dans le milieu financier beaucoup. Lui, c'était des arguments économiques. C'était plus le dernier segment que je disais, c'est-à-dire ben, les questions de péréquation, les questions de « oui, le Québec serait en fait probablement... » C'est sûr qu'il n'y a personne qui dit que ça séparer du Canada économiquement, ça serait simple et le lendemain, on vit dans un monde de licorne, mais à long terme, c'est probablement ce qui serait le meilleur pour l'économie québécoise. On a une économie un peu différente d'ailleurs du reste du Canada, pour différentes raisons. Puis, ben, souvent, Jean-Martin Hossan, quand il a écrit, parce que la plateforme de Option Nationale, c'est en gros Jean-Martin Hossan qui a regardé les idées de QS et qui s'est... Puis là encore, c'est le bout que je me fais pas d'amis. Parce que c'est ça qu'avec les optionnistes ou les... je sais pas comment ils les appellent, mais en tout cas, les ONistes m'entendent dire ça. J'en ai quelques amis, ils n'aiment pas tellement ça quand je leur ai dit que, tant qu'à moi, la plateforme d'Option Nationale, c'est Jean-Martin Hossan qui s'est assis avec la plateforme de QS puis qui a juste réécrit les arguments dans un langage économique. Ouais. Donc ça a du sens pour toi la fusion en guillemets, ben, la vallée ben oui, ça a du sens. Moi ça m'a tout le temps fait rire quand on était dans des élections qu'il y avait des ONistes qui disaient ah, QS vous êtes des ci pis des ça, c'est comme vous avez la même plateforme que nous autres. Calme-toi. Mais en tout cas, fait que c'est ça. En fait, de ce point de vue-là, c'est un mariage de raison. T'sais, c'est deux partis qui proposent quasiment la même affaire, mais qui ne mettent juste pas l'emphase à la même place. Il a juste grugé le vote des autres. Oui, puis non. En fait, c'est qu'on aurait pu, on pourrait mettre les efforts en commun, et puis on pourrait probablement aller chercher plus que juste l'addition des deux partis, juste à cause de ça. Tout ce qui est. Je disais Québec solidaire est un parti est un parti souverainiste parce qu'ils sont démocrates, ben Option nationale, ça va être un parti qui est démocrate parce que souverainiste. Mm-hmm. Fait qu'au bout du compte, ça revient quasiment à la même affaire. C'est juste que l'ordre est inversé, mais c'est quasiment la même chose, en fait. Où Québec solidaire va être perdant, en fait, là-dedans, c'est que Québec solidaire vont ramasser une partie des orphelins politiques du spectre gauche. Qu'est-ce que j'entends par là? Les gens qui sont quand même Canadiens avant d'être Québécois dans leur tête, dans leur cœur, ou qui en ont carrément rien à battre de tout ce qui est nationaliste, qui voient les questions de souveraineté et de choses comme ça comme des affaires du 20e siècle qu'on devrait découler de ça. Puis il y a quand même un argumentaire pour ça. Généralement, ce point de vue politique-là, on va appeler ça le cosmopolitisme, c'est-à-dire de dire qu'on est des citoyens du monde avant d'être des citoyens d'un endroit. C'est le contraire du nationalisme. Donc, ces gens-là, ben, étaient un peu mal à l'aise déjà de dire, ben oui, le Québec solidaire est souverain. On leur vendait l'idée un peu de souverainiste. On leur vendait un peu l'idée de ça en disant, ben c'est une manière d'aller contrôler, ben tu sais, une manière d'être démocrate, de un. Et de deux, c'est une manière d'être capable d'aller chercher un meilleur État-providence, en fait, de contrôler notre État-providence, tu sais, les services sociaux, puis ainsi de suite. Ne pas dépendre d'un palier plus haut qui contrôle en quelque part ce qu'on fait sur notre territoire, même en étant très éloigné de celui-ci. Et c'est comme ça qu'on allait chercher. En refusionnant avec un parti qui s'appelle Option nationale, c'est du monde que Québec solidaire va peut-être probablement s'aliéner. Même si c'est un comité à l'intérieur? Oui. Parce qu'ils vont être moins présents, on s'entend un peu. Oui, ouais, mais c'est sûr que la question, c'est de savoir dans quelle proportion. Oui. Mais c'est une place où ce que Québec solidaire va être perdant. Ouais. Option nationale, ben moi, je comprends que de leur côté, ils voient bien. Puis là, j'ai pas toutes les questions à l'interne, pourquoi est-ce que c'est là que ça arrive. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils se rendaient bien compte que ça allait pas super bien leurs affaires. Parce que si t'es pas élu, tu sais, quand le parti commence, il y a un engouement pour. Il y avait un engouement pas mal tout le temps qu'Ossin était là, mais depuis qu'il est parti, ça a chuté un peu l'engouement pour Option nationale. Moins d'engouement signifie moins de donations, moins de cartes de membres qui se vendent, ce qui sont les principaux moyens de financer un parti. L'autre moyen étant la subvention de l'Assemblée nationale, mais c'est parce que si tu fais pas élire personne, tu l'as pas la subvention. Tu sais, ça prend des minimums, puis Option nationale, ils les ont vraiment pas. Fait que moi, ce que je pense qu'ils voyaient, c'est que c'était soit il fallait qu'ils fassent un coup d'éclat dans ce genre-là, qui en même temps, dans ce cas-là, ben, le coup d'éclat, ça leur a permis de devenir en quelque part dépendant financièrement d'un parti que de ce point de vue-là, ça roule bien. Ouais. Tu sais, qui est bien établi, c'est dans ce sens-là que je veux dire, mais c'est pas comme si ça roulait sur l'or non plus. Ça s'appelle pas le, je le dirais pas, mais le Parti libéral. Mais ça reste que Québec solidaire a quand même un fonds de roulement qui fonctionne tout le kit et est reconnu comme un parti de l'Assemblée nationale, donc aura accès à des subventions pour ça, puis ainsi de suite, comme le PQ, comme le PLQ, comme la CAQ. Puis c'est que l'autre affaire, c'est que probablement qu'en fait, les prochaines élections auraient probablement été leur dernière, parce que moi, j'ai l'impression, puis là, comme je dis, là, je veux juste bien faire attention à ce que je dis là, parce que j'ai aucune idée, en fait, si c'est vrai ou non. Là, c'est vraiment moi qui spécule. Ouais. C'est de la spéculation ce que je dis là, mais je crois que peut-être que leurs finances étaient... Ils se rendaient bien compte que leurs finances leur permettaient pas de survivre peut-être même jusqu'aux prochaines élections, mais en tout cas, probablement pas. La plupart du temps, c'est pas mal ça qui arrive. Hein. C'est ça. La petite comité, c'est en masse pour eux autres, c'est ça? Ben, lancer un parti, c'est... En quelque part, lancer un parti, c'est un tout ou rien. C'est coûteux, là. Ouais, c'est ça. Ça coûte de quoi? Mm-hmm. Surtout quand tu fais une campagne sérieuse, c'est pas comme le Parti Rhinocéros, qui est un parti semi... Joke un peu. Semi-joke, tu sais, le bon vieux parti, là. Des affaires comme ça, que ben ils font pas vraiment de vraie campagne. Ça coûte cher faire une campagne électorale, y compris en considérant les subventions puis tout. Ça coûte cher. Du coup, replace pas donné. Non, c'est ça. Puis t'as du gaz à payer à du monde, puis t'as un paquet de trucs. Puis surtout si tu fais ta campagne, parce qu'Option nationale faisait campagne à grandeur du Québec aussi. Ouais. C'était pas comme justement comme certains partis comme le Parti Rhinocéros qui ils spotent 3-4 comtés puis ils font campagne juste là. Ce qui leur permet de pas mal couper les coûts. Ça leur permet de centraliser certaines affaires que quand tu es dans un parti qui essaie de passer partout au Québec, ben tu peux pas en avoir rien qu'un d'eux. Tu sais, des recherchistes, tu en as besoin dans tous les comtés. Ou presque, là, dans chaque regroupement de comtés, maintenant. Ouais. Des choses comme ça. Donc, c'est ça. Ça pour dire que c'était un peu... c'est un genre de mariage de raison, mais... la raison va-t-elle triompher de ce... C'est ça va-tu vraiment donner quelque chose? C'est la grosse question. Fait que c'est ça. Puis comme je disais, ben je vais référer là encore à, pour le comment et le un commentaire en fait que je trouve qui était très pertinent, c'est celui de Jean-René Dufort qui en gros ce qu'il essayait de montrer avec sa présentation à Jean-René Dufort à Infoman là, que j'ai parlé en début de chronique. Son tableau blanc. Son tableau blanc, mais c'est ce qu'il essaie de montrer, c'est qu'en fait là encore, ils ont un peu compliqué les affaires pour être sûr que ça soit équitable, puis tatatatata, puis tout, mais en gros, c'est juste une manière. On dirait qu'ils ont compliqué ça pour pas avoir à avouer que c'est en gros Option nationale qui se fait manger par Québec solidaire. C'est quoi beau du même, ouais. C'est ça. Puis ben, une des choses que je remarque, ben c'est que, tu sais, comme je l'ai dit en début de chronique, là encore, moi j'ai ma carte de Québec solidaire depuis longtemps parce que j'aime bien la plateforme, j'aime pas toujours comment est-ce que la plateforme est défendue. En fait, j'aime rarement comment est-ce que la plateforme est défendue, mais c'est que, bon, il y en a beaucoup qui prévoyaient qu'un jour, tranquillement pas vite, Québec solidaire allait de plus en plus devenir un genre de parti de pouvoir, en fait, se PQiser jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'il fut un temps, le PQ, on remonte des années 70, c'était le parti de jeunes qui allait donc jamais être élu, puis qui était donc la tête d'un nuage, puis tout, et c'est devenu un beau gros parti de pouvoir comme les autres. C'est qu'à un moment donné, je pense que ça arrive dans la vie d'un parti. Tu sais, le Parti libéral, il fut un temps, il était ce parti-là aussi. Dans la vie d'un parti, il y a une époque... Il y a, au début, c'est un parti extrêmement idéaliste. Tranquillement, pas vite, il devient de moins en moins idéaliste, mais finit par devenir potable pour le pouvoir. Il y a une période où, que, si on est chanceux, ils sont capables de faire avancer un peu des trucs. Et éventuellement, ça devient un parti de « on se fait élire, puis on dit ce qu'il faut pour se faire élire, puis ça finit là. » Puis suite à quoi il est remplacé par un autre nouveau parti d'idéalistes qui, tranquillement pas vite, va faire la même affaire. C'est le cercle de la vie. Mais c'est oui. Ça, le cercle de la vie des partis, ce qui fait que ben les partis ont, tant qu'à moi, une date de péremption. Ouais. Je suis pas en train de dire que QS a atteint la sienne. Je suis en train de dire que je pense que ce qu'on voit présentement, c'est que QS est en train de faire le move vers être un parti... devient à chaque nouvelle prise de parole publique, QS devient un petit peu plus un parti électable que des chances de... parce que, tu sais, QS, ça fait juste progresser à date. Depuis que ça a commencé à de l'intention de vote, mais du vote qui sort pas tellement, à on fait élire un député, Américadir, on fait élire deux députés, on fait élire trois députés. Maintenant, on a un jeune porte-parole, parce que QS, c'est des porte-paroles, c'est pas des chefs. Bien populaire avec la jeunesse, bien populaire tout court. Bien populaire, mais il y a bien du monde qui l'aime beaucoup, puis il y a bien du monde qui l'haïsse. Ouais. Je parle de Gabriel Nadeau-Dubois, évidemment, connu. Mais que, ça veut dire que Gabriel Nadeau-Dubois parle de quelque chose, c'est pas comme quand que Manon Massé parle de quelque chose, il y a pas juste les médias montréalais qui en parlent, tout le monde en parle. mais tu sais, c'est ça, le veux pas, ça leur prenait un peu de star power en quelque part, je pense qu'ils ont commencé à aller chercher avec ça. Là, ben, c'est qu'Option nationale, ils vont aller chercher peut-être une crédibilité économique et aller chercher des péquistes frustrés qui disaient comme... Tu parles de Québec solidaire, t'as dit Option nationale. C'est ça, Option nationale. En allant chercher Option nationale. Ok, oui, je comprends. On est allé chercher une crédibilité économique, parce qu'Option nationale, à la base, c'est beaucoup basé sur des arguments économiques. Ils vont chercher tu sais, c'est qu'une des affaires, on parle de groupes électoraux, mettons. Ils vont aller chercher les gens qui, les genres d'indécis, mettons, qui sont traditionnellement des péquistes, mais qui sont un peu tannés des dérives, soit identitaires et ou, mettons, néolibéral économiquement du PQ des dernières années. Le PQ qu'en fait vous et moi on connaît depuis qu'on a l'âge de voter, parce que le PQ depuis les années 2000, malheureusement, ben on a eu comme une petite interlude depuis Lulu, qui était un parti conservateur économique. Là, ben dans ce temps-ci, ce qui fait le plus mal quand on essaye d'être péquiste mais qu'on est un peu progressiste, c'est malheureusement un petit peu tout ce qui est gestion de la diversité, de l'immigration, de l'intégration. Ça, c'est King Lizé qui... Non. Un autre sujet que je reviens, j'ai l'impression que je reviens tout le temps dessus, fait que je vais se laquer tout de suite. Mais parce que lui, je peux en parler longtemps. Reviens sur PKP à la place. Dit qu'il y avait un livre sur la Catalogne puis une rondelle des Nordiques sur sa table pendant sa vidéo. Super subtil. Ouais. Non? La Catalogne, c'est tout un autre. Ben, on en a parlé en fait. Oui, je pense que ma première chronique de la saison était là-dessus. Oui. Donc c'est ça. Fait que d'aller chercher un peu les péquistes qui sont plus du côté progressiste. Qui commence à être tanné de le PQ a l'air de quoi? Québec solidaire devient tranquillement pas vite un peu plus une alternative à les autres, parce qu'il faut pas oublier que c'est des gens qui trouvent Québec solidaire souvent pas assez souverainiste. Mmh. Quand tu votes pour le PQ présentement, quand le PQ, sa promesse présentement par rapport à la souveraineté, c'est de ne pas faire de référendum. Moi, je trouve tout le temps un peu ça drôle, quelqu'un qui dit que QS c'est pas souverainiste, pas à cause de ça, mais en tout cas... fait que, mais c'est ça, ça permet quand même d'aller chercher cet électorat-là. Puis, ben, en fait, on est rendu là avec... Je viens de me réveiller, quand même. Fait qu'on finit soleil. Juste comme on finit la chronique. C'est ça. Donc, ben, c'est ça, je pense que c'est ça, c'est de voir ben, comment que ça va se passer. Puis c'est sûr que présentement, ben, le feuilleton de ça, c'est les maudits logos pas ouais, beaux. C'est ben, ça, exact. Tu penses pas qu'il aurait dû genre attendre un peu avant de partir le concours des logos? Parce que là, présentement, tout le monde en parlait à cause de la fusion de Québec solidaire et Option nationale. Après ça, ça aurait redescendu. Puis là, tu aurais parti le concours des logos, ça aurait recommencé à pogner. Et on ouais, fait les deux en même temps. C'était vraiment un bad move. Ouais. Mauvais move, je trouve. Ouais, ouais. En plus que maudits qui font dur. Ouais, personne les aime, personne les aime. Hey, ça nous amène à la fin de ta chronique. Oh. Et t'avais un petit support auditif, je pense, pour la fin de ta chronique. Ouais, ben en fait, c'était juste une chanson que j'avais découvert la semaine dernière que je voulais que tu fasses jouer, qu'on a tout est-ce oublié. Que tu vas rappeler qu'on a... Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Dana Auerbach. Je vais t'avouer, je me rappelle même plus le titre. On s'en sauvera jamais. King of a One Horse Town. Oui, c'est ça. Dana Auerbach, le chanteur des Black Keys. Mm-hmm. C'est des solos acoustiques, pis tout, pis tout. On écoute ça? En way down. Puis bonne journée. Merci, vous êtes avec. Merci, Sébastien. Merci, merci. Dan Auerbach et King of a One Horse Town dans la chronique de Sébastien F. Guertin. On prend une pause au retour, son foutu palmarès. Simple de même. Tout simple. Oui. À son âge requis. Pour toi aujourd'hui. À son âge requis. FM 89 FM. Assemblage de qui? Oui. Assemblage de qui? Mon oreille est pas ouverte. Je comprends pas ta question. Je voulais juste que tu reviennes de la pause comme d'habitude. Ah! Ben c'est parce que c'est pas très clair. De te pointer? Ouais. Pendant l'intro, que l'intro joue. Ben, c'est pas en tout cas. Bref, toujours assemblage requis en ce mercredi matin, 25 octobre. Des fois, la communication est moins bonne que d'autres jours, mais c'est pas grave, on a du fun pareil. Oui. Maintenant, ça va être le moment de faire la suite de la chronique d'hier. Ceux qui étaient avec nous hier, on a parlé de santé un petit peu dans son foutu palmarès. Donc, oui, oui tu te rappelles? C'était des maladies bizarres. Exactement, on continue dans le même genre. Ah, merveilleux. Ah, génial. Voici son foutu palmarès. Où on t'a mis une liste sur un sujet plus ou moins précis. Comme je disais hier, on a parlé de 25 maladies particulièrement bizarres que la science n'arrive pas à expliquer. C'est des petites phrases très très rapides, mm-hmm. Donc on va s'enclencher une autre liste. L'encéphalitis léthargica. Maladie très terrifiante qui est arrivée au début des années 90. Les victimes commençaient à avoir des hallucinations et ensuite leur corps barrait complètement. Ah, OK. Donc ils avaient l'air de dormir visuellement, mais en fait ils étaient complètement conscients. Plusieurs sont morts à ce niveau-là, mais s'ils ne mouraient pas, ils vivaient des problèmes de comportement pour le reste de leur vie. Une maladie qui n'est pas revenue depuis le début des années... j'ai dit 90, tantôt c'était 1900. Les médecins ne savent pas toujours, pas comment ça s'est passé, mais il y a des théories, là, des virus, le système immunitaire qui détruit le cerveau, des trucs comme ça. Ensuite, acute flaccid myelitis. On appelle ça des fois un syndrome qui ressemble à la polio. C'est une maladie neurologique qui affecte les enfants et qui mène à la faiblesse ou à une paralysie. Ensuite, le virus de Marburg, nommé en honneur d'une ville allemande où ça a été observé pour la première fois en 1967. Le virus Marburg est un virus, un fièvre hémorragique qui est transféré aux humains de la part des singes. Et ça fait que tu vis des gros problèmes de saignement interne. Ensuite, celui-là, j'en ai entendu plusieurs fois parler et ça m'intrigue, c'est le syndrome de la tête qui explose. Arc! Exploding Head Syndrome. Les gens qui vivent ça entendent des gros boum, des gros sons qui ont l'air de venir de leur propre tête. Et les médecins n'ont aucune idée comment ça se produit. Ensuite, le SIDS, S-I-D-S. C'est la cause principale, c'est le Sudden Infant Death Syndrome, la mort subite chez l'enfant. La mort subite chez l'enfant, chez le nourrisson, exactement. Donc, c'est entre un mois et un an. On appelle ça aussi la mort de la bassinette, des fois, parce que les enfants vont mourir dans leur sommeil et les causes sont encore une fois inconnues. Ensuite, toujours dans la liste des maladies bizarres, aquagénique urticaria, aussi connue sous le nom d'allergie à l'eau. Les patients vivent une réaction douloureuse à la peau s'ils entrent en contact avec l'eau. Ensuite, la Brainerd Diarrhea. Brainerd Diarrhea, c'est le une nom... Une diarrhée du cerveau? Non, c'est le nom d'une ville, en fait, où ça a été vu pour la première fois. Brainerd, dans le Minnesota. Les gens qui sont infligés de cette maladie-là vont vivre jusqu'à 20 épisodes de diarrhée par jour pendant jusqu'à un an. Holy moly! Aïe aïe, hein? Pour vrai. Il y a eu 8, comment t'appelles ça, des propagations de ça depuis le début des années 1800. 6 ont lieu aux États-Unis. Ensuite, la maladie de la vache folle. Bien sûr, bovine spongiform encephalopathy, oui. C'est une maladie neurodégénérative chez les vaches qui ne peut pas être guérie et ça garantit que leur cerveau va devenir tout faible et c'est bien sûr fatal. Ensuite, l'hypersensibilité électromagnétique. C'est plus une maladie mentale que d'autres choses, nous dit-on. Les gens qui en souffrent ont des symptômes variés qui sont un résultat de champs électromagnétiques. Les docteurs nous disent que les gens ne peuvent pas distinguer entre de vrais et de faux champs. C'est ce qui prouve que c'est mental. Souvent, ça a rapport avec des théories du complot. Ah, ensuite, okay. Le Stiff Person Syndrome, le syndrome de la personne dure ou solide, si on veut. Donc, c'est tes muscles qui deviennent progressivement de plus en plus solides jusqu'à ce que tu sois complètement paralysé. Les médecins n'ont aucune idée, encore une fois, de la cause et des explications possibles, entre autres, c'est le diabète et une mutation des gènes. Toujours dans la liste des maladies bizarres, continuez avec la Nodding Disease. Nodding, ça a été découvert en Afrique de l'Est en 2010. C'est une maladie qui fait que ces victimes-là vont constamment hocher la tête. Ça va mener à un problème de nutrition et un problème pour grandir, stunted growth, donc ils vont avoir de la misère à grandir. Les médecins croient que c'est peut-être causé par un parasite, mais ils sont pas certains. Ils vont toujours hocher de la tête, c'est bizarre. Ensuite, la maladie de Jacob Creutzfeldt, comme on l'appelle. Donc, tantôt, on a parlé de la maladie de la vache folle. Ça affecte pas seulement les vaches. Lorsque ça saute chez les humains, on change le nom, mais ça fait la même chose. Ça liquifie votre cerveau. Ça devient donc la maladie de Creutzfeldt. Ensuite, sweating sickness, la maladie de la sueur. Vue pour la première fois en 1485 en Angleterre, ça commence avec des maux de tête, des frissonnements. Et ensuite, ça devient, tu sues beaucoup et ensuite tu meurs. Et on dit que c'est contagieux et qu'il y a eu des épidémies qui sont venues et parties 6 fois en Europe jusqu'à maintenant. Ensuite, la maladie Peruvian Meteorite Illness, donc la maladie du météorite péruvien. Lorsqu'un météorite a foncé sur le village de Carancas au Pérou, les villageois qui approchaient le cratère se sont sentis malades avec des symptômes inexpliqués comme de la nausée extrême. Les médecins spéculent que la maladie aurait pu être causée par un empoisonnement à l'arsenic. Hi, OK. C'est sévère. Ensuite, l'Ebola. Hein, une grande circulation dans les nouvelles depuis les dernières années. L'Ebola est une fièvre hémorragique similaire au virus de Marburg dont on a parlé tantôt. Dans le fond, c'est qu'on saigne de l'intérieur et c'est le... c'est ça, généralement. Qu'est-ce que ça dit? Et c'est... Oui, le prognosis, si tu l'as, tu risques de mourir, c'est ce que ça veut dire. Ouais. Ensuite, toujours dans les maladies bizarres, on est rendu dans le top 10 maintenant, la maladie de Kourou. C'est une autre variante de la maladie de la vache folle qu'on trouve chez les humains, sauf que cette fois-ci, ça a seulement eu lieu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et on dit que ça aurait pu être transmis par le cannibalisme. Hey boy! Miam. Un autre miam ici, le syndrome du vomissement cyclique. C'est souvent pendant l'enfance, les symptômes sont exactement ce qu'on pense, c'est qu'on a constamment des vomissements et de la nausée. Les gens qui en souffrent peuvent vomir jusqu'à une fois par 5 minutes pendant environ 3 semaines. Ouais. Moins pire que la diarrhée pendant un an. Ouais. Ah. Ben... Je sais pas. Ça se compare pas. Ensuite, t'as de brûler, là. Oh, vraiment. À un moment donné, t'as plus rien à vomir, là. Ça doit être déplaisant. Ensuite, le Lujo. L-U-J-O. Un autre symptôme de fièvre hémorragique. Un virus, oui. Donc, le Lujo a beaucoup de choses en commun avec l'Ebola, dont on a parlé tantôt, et le Marburg aussi. Ça a été observé pour la première fois en Afrique du Sud et en Zambie. Mozambique? Non, je pense que c'est Zambie. Bref, en 2008. Ensuite, la maladie de Morgellons. C'est des lésions sur la peau. Et une sensation de chatouillement ou même de quelque chose qui ramperait sur ton bras. On se demande toujours si c'est une nouvelle maladie ou simplement un mélange de maladies déjà connues. Ensuite, la maladie du 20e siècle. Ouais. OK. C'est la sensibilité chimique, le MCS, Multiple Chemical Sensitivity. Une maladie est caractérisée par une réaction négative à différents produits chimiques modernes, des produits comme le plastique, les fibres synthétiques, comme la sensibilité électromagnétique. Tantôt, les patients ne vont pas réagir lorsqu'ils ne savent pas s'ils sont... Non, ne réagiront pas lorsqu'ils ne savent pas s'ils sont exposés à quelque chose de chimique ou pas. Mais ils vont réagir quand ils n'ont pas les yeux bandés. Dans le sens que quand ils vont voir quelque chose, ils vont penser qu'ils sont... C'est encore une fois psychologique. Oui, c'est ça. Si, mettons, tu leur bandes les yeux puis tu leur mets quelque chose, il n'y aura pas de réaction. Donc, ça prouve que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment physique. On se comprend là-dessus? Oui. Il nous reste le top 5 des maladies difficiles à expliquer par la science. la Dancing Plague. Un incident qui est arrivé en 1518 à Strasbourg en France où une femme du nom de Frau Trofea a commencé à danser pour aucune raison. Des centaines de personnes ont commencé à danser pendant plusieurs semaines et éventuellement plusieurs sont morts d'épuisement. Des raisons possibles pour ça, ce serait l'empoisonnement massif ou une maladie psychogénique. Ensuite, Germany's Mystery Calf Disease, donc la maladie du veau mystère. En Allemagne, c'est une maladie qui transforme la moelle épinière du veau en gelée et l'empêche de former des caillots de sang. Donc, dans le fond, ils vont saigner à travers leur fourrure. C'est vraiment triste. Ensuite, la porphyrie. Certains scientifiques croient que cette maladie-là est en fait responsable pour les gens de vampires et de loups-garous. On a parlé un petit peu de vampires hier dans cette chronique-là. Donc, la peau de ceux qui sont affligés par cette maladie-là vont faire des bulles. La peau va faire des bulles et donc va bouillir lorsqu'exposée à la lumière du soleil. Et leurs gencives vont reculer et ça va donner l'apparence d'avoir des crocs. Et le plus bizarre là-dedans, c'est que leur caca devient mauve. Ah, mon Dieu! Porphyrie. Ensuite, le syndrome de la guerre du Golfe, une maladie que les vétérans de la guerre du Golfe percent, donc vivent. Les symptômes, entre autres, c'est la résistance à l'insuline et la perte du contrôle des muscles. Des théories par rapport à la cause, ce serait l'uranium dans les armes et puis les guerres chimiques. Pardon, et un dernier. Le Jumping Frenchman of Maine Disorder. C'est George Miller Beard qui l'a découvert en 1878. C'est une maladie qui affectait les Canadiens français. Les Canadiens français, mais je parle des ceux qui hachent des arbres, les bûcherons. Oui. Les bûcherons canadiens français. Dans la région nord du Maine. Donc ça fait qu'ils ont peur facilement. Donc c'est pour ça Jumping Frenchman, c'est qu'ils ont facilement peur. On dit ici qu'ils peuvent accomplir n'importe quelle tâche, mais il faut leur crier. Ah? Les docteurs pensent que c'est génétique. Eh ben. Wow, hein? Ouais. C'est bizarre. Ils réussissent à faire n'importe quoi que tu leur demandes si tu leur cries dessus. Eh ben, Jumping Frenchman of Maine Disorder. Peut-être parce qu'ils se criaient à travers le bois. Peut-être, ou peut-être que, genre, quand l'autre crie qu'il va hacher l'arbre ou le bruit c'est de l'arbre ça. Qui tombe, ça leur pète les tympans, puis il faut que tu leur... Je sais pas. Fort possible. Ça fait peur parce que l'autre, il sait pas nécessairement que l'arbre va tomber à cette seconde-là. Ben, c'est ça. Dépend de la hauteur. Faut que tu regardes. Ouais, oh boy, c'est compliqué. Bon, voilà, c'était une autre liste de maladies que la science ne peut t'expliquer. Hein? On prend une autre pause. Au retour, ce sera Alex Marchand qui va être avec nous. Bonjour, Alex. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous présentes tout à l'heure? Ah, plusieurs chansons et on va discuter d'un peu de tout et de rien. C'est toujours aussi pertinent de te demander ça. On retourne à Assemblage Requis dans 2 minutes. C'est fou! 89. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Deuxième heure de l'Assemblage Requis, en ce mercredi 25 octobre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Oui, et moi, Alex Marchand. Non. Hey, wow, wow, wow. Oh, oh, t'es pas co-animateur de cette émission-là. Oh, je j'aimerais ça. Ah, c'est beau. Mais t'as juste à revenir à une grosse pointe d'adresse. On t'a invité. Oui. Ah, c'est vrai, c'est jeudi ça. Hein? Jeudi matin, ouais. 9h30. Et mon Dieu, c'est tôt. 9h30. 8h. 9h30, c'est tôt. Ouais, quand même. Moi, je suis un lève-tard. Ouais, mais en tout cas, bref. J'ai fait plein de sacrifices pour venir voir. Sans retard. Est-ce que t'es parmi ceux qui causent la controverse là, sur Spotted à cause de la chasse-galerie? Est-ce que t'es un de ces sauvages-là qui laissent les pieds du monde puis qui cause le trouble? Je les trouve merveilleusement drôles à chaque fois, par exemple. Mais non, je suis pas un de ces fous fauteurs de troubles. Mais je sais pas, est-ce que tu parles des posts, mettons, ou que la chasse-galerie, ma session, puis il y a comme un gouffre avec la chasse-galerie? Non, je parle vraiment de. Il y a eu un post super long, genre exhaustif. Ouais. Sur la chasse-galerie. Sur le fait qu'il y a beaucoup trop de gens à la chasse-galerie le mercredi soir. Que ça avait changé, que c'était rendu vraiment pas le fun. Ah ouais. T'as pas vu ça? Ouais. Mais mon Dieu, j'ai pas vu ça. Ça a été partagé même avec la chasse-galerie. Hein? Ils sont au courant. En tout cas, hier soir, hier matin, il avait l'air au courant. On devrait le retrouver puis le lire. On devrait. Ça serait la chronique pour. On est Nightlife un peu aussi, hein. On fait ça à la fin de ta chronique, ça te va, ça? Ben oui, ça me va. On va écouter la musique avant. Alex Marchand, oui, on est dans une chronique musicale Nightlife. Toujours pas de nom, toujours pas d'intro. Non. Non. Pas réveillé. J'ai manqué de temps, les intros pis tout. Ça fait 3 semaines qu'on fait la chronique à peu près. Vraiment. Ouais, ça, c'était pas du bon timing. Mais là, j'ai plein de temps dans le reste de ma semaine. Ah, crème, mais ça se peut. Mais là, je vais avoir du temps cette semaine. J'ai juste ça, du temps. Je remets un travail tantôt, là, pis après ça, ouh, je suis libre comme là. Libéré. Libéré, délibéré. On pourrait la mettre à la fin de la chronique. Je vais trouver un remix. Ouais, on pourrait. Mais on a de la meilleure musique que ça parce que tu nous présentes de la musique un petit peu dance floor, mais alternative. Ouais, exactement. Fait qu'on va commencer tout de suite, si tu veux oui, bien. Oui, allons-y. Ben, c'est bon, ça. Donc, la première chanson sera une de Brooks et de Mike Williams. Brooks, okay. qui est un DJ américain, qui a quand même des sonorités assez punchées, je vous dirais, mais toujours un petit peu catchy. Fait que, tu sais, on est dans quelque chose de presque pop. Pop aux fruits, genre. Ouais, exactement. Pop, mais pas connu, mettons, ouais. Tu sais. Fait que, il reste du travail à faire de ce côté-là pour devenir célèbre pour ces deux DJ-là. Puis Mike Williams, qui a des sonorités un peu... c'est bizarre à dire, mais enfantine un peu. Ah, j'aime ça. Vous allez voir, okay. vous allez comprendre. Non, pas vraiment. Ah. Vous allez comprendre en écoutant la tune. Je pense que c'est vraiment la meilleure manière de comprendre ce que je veux dire. Mais le mélange des deux était improbable, sauf que ça a donné quelque chose d'assez intéressant. Vous allez voir, vraiment, j'ai une tune qui est assez intéressante. Cool. Bon, pas de chauffe-fruits alcoolisé, c'est pas mal ça, finalement. Okay. Mike Williams and Brooks avec Jetlag. Assemblage requis. We'll be right back. Gareth Emery. Oui. Je voyais ton signe de main, je faisais comme ça. Salut, Mathieu. Allô. Je fais le signe depuis des années, les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Non, je sais pas si c'est mes mains qui parlent pas la bonne langue. Je pense que c'est moi qui n'ai pas tout à fait réveillé. C'est parce que je vais vous expliquer, ça fait deux jours que je me lève tôt. Ouais. Pas habitué de faire ça. Hier, en plus, j'étais allé grimper une montagne. Fait que là, on dirait que mon cerveau est resté là-bas. Mais faut vous expliquer, OK? C'était l'acropole des draveurs. Puis, ben, c'est comme. Et c'est quoi ça, l'acropole des draveurs? C'est une montagne dans Charlevoix, en fait. Qui est, c'est dans le parc des Hautes-Gorges de la Malbaie. Puis, en gros, t'as comme la rivière Malbaie qui passe. Puis, t'as des immenses montagnes de chaque côté de la rivière. Mm-hmm. Puis, ben, c'est ça, il y a comme des sentiers qui permettent de mener vers le sommet d'une des montagnes. Mm-hmm. Puis, comme c'est vraiment impressionnant. Sauf que nous autres, ben, tu sais, étant chanceux comme on était arrivés là-bas, puis il y avait des nuages, puis de la pluie. Oh non. Fait que bref, on est allé rejoindre les nuages, c'était merveilleux, c'était super poétique. Puis bref, en arrivant au sommet, on avait la tête dans les nuages, puis je pense que ma tête est restée là-bas. c'est pour ça que je t'ai embrumé un matin. On a dit la seule en forme, c'est Tania cette semaine. Je pense que oui. Donc, Gareth Emery featuring Wayward Daughter, c'est ce qu'on a entendu en deuxième pièce. Oui, exactement. Tu m'avais pas présenté pièce encore. Un peu plus trance, en fait. Trance, qui est une musique, comme vous avez pu le constater, qui est assez. Qui met un peu dans un état zen, un peu, qui met dans un état de trance. On a une bass qui est assez présente, qui va vraiment y aller par coup, souvent par vague de basse. Mm-hmm. Puis avec un petit beat catchy ici aussi. C'est sûr qu'il y a peut-être une petite volonté pop derrière Gareth Emery, légèrement. On peut aussi le comparer un peu, cet artiste-là, à. Pour ceux qui le connaissent, Illenium aussi, qui commence à être assez connu avec son dernier hit qui s'appelle Crawl Out of Love, qui vient de son dernier CD qui vient tout juste de sortir. Je pense que ça fait deux semaines. Mm-hmm. Mais quand même, c'est deux artistes qui commencent à se distinguer quand même assez bien sur la scène trance, puis à devenir peut-être limite. Ça, j'avoue que c'était peut-être limite un peu pop, mais la tune était tellement bonne, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est ça, tu repousses les limites, c'est correct. En tant que ça joue pas ailleurs, on est correct. Ah, exactement. Ça, je l'ai jamais entendu à la radio, fait que c'est parfait. On reste dans le. L'underground. C'est fou. On aime c'est ça. Il nous en reste une troisième. Ok, oui. La troisième étant une toune de glitch hop. Pour ceux qui ne connaissent pas le glitch hop. Encore un autre nouveau style musical à comprendre avec toi. Incroyable. Pour ceux qui veulent découvrir les nouveaux styles, d'ailleurs, je vous conseille le site Beatport. La musique est un peu plus chère, sauf qu'elle est un peu plus underground aussi. Plus cher que iTunes. Oui, exactement. Alors, iTunes, on est toujours vers 1,39. Je suis désolé, merci. iTunes, on est à peu près en moyenne à 99 sous et 1,39. Ouais. Sur Beatport, on est plus entre 1,50 et 2,50$ de la toune. Mais c'est souvent plus des longues pièces, étant donné que c'est de l'électronique, non? Oui, effectivement. Ouais. Mais c'est surtout si on y va dans du Deep House, Future House, qui sont des tunes qui peuvent faire jusqu'à 7 minutes, mais généralement, on est à peu près dans le 3 minutes, par exemple, pour cette toune-là qui est, je pense, 3 ou 4 minutes. 4 et 11, c'est une petite affaire plus longue que d'habitude. Clap Your Hands, en fait, qui est justement un petit côté glitch up qui va être légèrement funk, mais avec une touche électronique. C'est comme la rencontre avec les deux styles. Fait que là, on est en train d'expliquer le glitch up, puis tu nous as pas donné la définition tant que ça, là. Ben, c'est un peu ça du glitch up. Ben, c'est non, en général, en fait. Dans le sens que c'est comme du hip hop avec des glitches dedans? Non, c'est pas. Ça pourrait. il pourrait avoir une petite ressemblance avec le hip hop au niveau du drumline, par exemple, que vous allez pouvoir constater en l'écoutant aussi. Mais on est vraiment dans quelque chose d'assez funk au niveau de la mélodie, au niveau de la guitare qu'on va entendre. Puis avec une drop qui va être électronique, mais pas nécessairement d'inspiration dubstep, mais. Une petite affaire quand même. Si allez... tu dis drop, tu penses à dubstep, mais c'est pas juste ça. Toutes les tunes ont une drop. Si on pas de drop, on va parler d'un refrain souvent. Là. Une chanson pop va avoir un refrain qui va être un peu plus catchy, qui va être un peu plus. Que tu vois venir des fois quelques secondes à l'avance, là, tu sais que s'en vient le refrain. Là, exactement. C'est la même chose que pour une drop. On te laisse souvent l'eau à la bouche avant que le refrain arrive. Puis là, t'arrives le refrain puis t'as comme une dose d'énergie, t'as le goût de chanter. C'est un peu ça le but. Puis avec l'électronique, souvent c'est la drop qui va être super attendue, puis là c'est le moment où t'as le goût de danser. L'extase. Exactement, c'est le moment d'énergie. Donc on peut y aller tout de suite avec Clap Your Hands, vous allez comprendre tout ce que je viens de dire. Dans la chronique Musico Nightlife d'Alex Marchand à Assemblage Rock. Clap your hands now, people, clap now. Clap your hands now, people, clap your hands. Clap your hands now, people, clap now. Clap your hands now, people, clap your hands. Garde les insultes pour les le hors-ronde. Ouais. Sticky Buds et K-Lab. Oh que oui, avec Clap Your Hands. Et voilà. Ça va donner le goût de claquer des mains. Hey, c'était bon ça. Ouais, vraiment là. On aurait dit un petit beat 70, mettons. Funky. Ouais. Mmh. Ah non, vraiment, ça c'est intéressant. Quand j'ai entendu ça, là, j'ai tout de suite été séduit par le glitch hop. Le glitch up. Pourquoi est-ce que ça s'appelle glitch up? On sait pas, mais c'est comme ça. Je vais vous revenir avec la réponse et plusieurs autres choses la semaine prochaine. Là où tu seras préparé. Ok. C'est la semaine de relâche. C'est en théorie, c'est une semaine de travaux et de lecture. Oh, ben oui, c'est vrai. Ben, une chance que tu m'as envoyé un message, Mathieu, hier, parce que je t'en relâche vraiment pour plusieurs plans dans ma vie. Là. Puis j'y pensais plus, fait que c'est pour ça que je suis pas préparé. Mais c'est pas grave, on t'apprécie. Mais ben, moi aussi, je vous aime. Ah, ben, oui, nous aussi. C'est le fun. Tu nous mets dedans, vraiment. Mais bref, tout ça pour vous dire que la semaine prochaine, un intro. Un nom pour l'émission. Oui, puis peut-être une autre surprise. On aime ça. Faut que j'en parle à Alain. Là, tu crées des attentes, là. Mais là, là, c'est vrai. Là, je m'en vais sur Audacity tout de suite quand j'ai fini mon travail puis que je l'ai remis. Puis je vais monter quelque chose. Cool. Okay. Avec plein de samples, puis ça va être malade. On adore ça. Quand il dit Alain, c'est Alain, le directeur de la programmation. Oui, c'est exactement. Ça, évidemment. C'est vrai, faut, non, faut dire les titres. Faut mettre les gens en contexte. Oh, oui, c'est vrai. Parce que mettre les gens en contexte, c'est quelqu'un qui a réussi à faire ça sur Spotted du Hey, ben oui. Quelle belle transition. Avez-vous DJ, compliment. Là. Merci, merci. Parlant de DJ, non, c'est pas... Oh, fuck! Ben... Ça, c'est pas... C'est trop évident. Non! Mais Alex Marchand puis moi, on a eu la chance de se croiser dans un bar universitaire récemment. Quelque part au Québec. On ne dit pas où. Mais les transitions des DJ, parfois, c'est souffrant. Pour les gens qui écoutent. Ah là, on parle pas de la chasse galerie pour ça. Mais non, on parle d'un bar. Nowhere, là. C'est ça. Il y en a d'autres, hein, des bars universitaires à Mauricie. N'importe quel. Mais la raison pour laquelle on parle de la chasse galerie, et là, en tant que tel, on peut parler spécifiquement de la chasse galerie, c'est pour le post qu'il y a eu sur Spotted dans les derniers jours. Exactement. Un post qui veut pas nécessairement s'avérer agressif, mais qui veut surtout mettre en contexte la peine qui plane un petit peu partout sur les têtes des universitaires présentement. Donc, c'est quelqu'un qui a écrit « Bonjour à tous, à tous les étudiants et étudiantes de l'UQTR. J'ai besoin de votre avis concernant... » Ah, c'est le fun, il y a une page d'erreur qui m'apparaît. Là. C'est merveilleux. Une page d'erreur. Elle a failli faire redémarrer maintenant. C'est ça. Ça aurait été merveilleux. On aurait été dans le beau... Vous pouvez vous imaginer. C'est ça. Imaginez-vous le reste. Donc, ça dit « J'ai besoin de votre avis concernant un constat que j'ai fait depuis quelques temps déjà. Je suis allée à la chasse-galerie mercredi dernier. En fait, c'est lui qui a écrit « Je suis allée à la chasse-galerie » mercredi dernier. Je trouve tellement que ça l'a changé. Est-ce moi où c'est rendu un club avec une ambiance de frottage et d'attitude avec juste de la musique gangster rap, yo? Je suis pas contre cette musique-là, au contraire, mais à un moment donné, il faut varier un peu. Où est passée l'ambiance universitaire où tout le monde boit avec ses amis de différentes associations en jouant à des jeux? J'ai jamais fréquenté la chasse où il y avait des gens qui jouaient à des jeux. Là, des jeux de quoi? Oh, c'est ça, dire le beer pong. Mais c'est peut-être. Oh, ben, on a déjà un indice sur la personne qui a écrit ce post-là. C'est quelqu'un qui est assez proche de Génie, qui joue au dé, au doigt, puis à plein d'autres jeux sur des tables en mode pré-drink. Ben là, oui, c'est très le fun. Si vous voyez quelqu'un avec une chienne puis un dé qui est en train de jouer au Three Men, embarquez. Je vous dis, c'est le fun, c'est drôle, sauf que attendez-vous pas à retourner chez Wazer, prenez pas votre char, gang. Non, c'est ça. Prenez pas votre char. Mais c'est pas terminé, parce que le post est quand même assez long, et ça dit « Où est passé le temps où tout le monde se connaissait, se respectait et s'amusait? J'ai l'impression que dans la dernière année, 50% du monde qui fréquente la chasse-galerie ne sont pas de l'UQTR. Mais n'est-ce pas un bar universitaire? Quand c'est rendu qu'il faut faire une file d'environ 30 minutes pour rentrer dans la chasse et faire une autre file, alors jusqu'à une heure pour commander de la bière dans notre propre bar universitaire, je trouve que c'est un gros manque de respect envers la communauté universitaire. Fondamentalement... Je pense qu'il y a une précision importante à apporter de ce côté-là, c'est que la semaine dernière, c'était la semaine de relâche du cégep. Oui. Si on a eu l'occasion d'aller au temple le dimanche d'avant, il y avait le même genre de line-up devant le bar. Fait que tu sais, il y avait beaucoup de monde qui avait aucune responsabilité cette semaine-là. Ben, tu sais, déjà, quand t'es au cégep, t'as pas beaucoup de responsabilités, on va se le dire. Mais en semaine de relâche, c'est free for all, c'est je bois de la bière, puis je me... Genre. Fait que tu sais, il y a probablement du monde qui commence à être majeur en plus au cégep, de plus en plus. Fait que là, ils veulent découvrir la merveille des bars. Fait que tu sais, d'après moi, ça vient un peu de là. Tu sais, il y a un facteur de contexte qui était fort. Cette semaine, je penserais pas qu'il y ait beaucoup de line-up à chaque. Hier, je te dirais que ce matin, quand je rentrais dans le pavillon, par contre, ça sentait le mardi soir karaoké. Mais ça continue. Fondamentalement, le but de la chasse-galerie n'est pas de faire de l'argent, mais d'offrir un service aux étudiants. Présentement, les non-étudiants paient un cover de 5$ pour rentrer à la chasse. Ils ont ensuite... 3$, on devrait rectifier la chose. Ben oui, ils ont ensuite accès à des prix ridiculement bas pour l'alcool. Ça, on va se l'avouer. Une pièce, c'est très bas. Prix établi pour les étudiants. Ouais. C'est une vraie joke pour eux comparé aux autres bars. Aujourd'hui, la réalité à la chasse-galerie, c'est qu'on n'arrive pas à se déplacer sans se marcher sur les pieds et sans renverser quatre verres sur notre passage. De plus, j'ai remarqué une hausse de clientèle agressive qui cherche à faire du trouble. Est-ce vraiment ça qu'on veut dans notre bar? C'est normal que ces prix attirent les gens extérieurs. Toutefois, on ne répond plus à la mission de base qui est d'offrir un service aux étudiants à budget serré. Quelles sont nos options? Le fait qu'il arrive avec ça. Je vais faire une autre précision, par exemple, par rapport au paragraphe. Une clientèle agressive, je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de discussions avec la protection publique l'année passée. J'étais à peu près au courant, c'est lors de mon passage à l'AGE. Oui, parce qu'il faut le dire, Alex Marchand, pour ceux qui ne savent pas, est l'ancien président de l'AGE. Oui, exactement. Donc, j'ai eu à me frotter les épaules avec beaucoup la protection publique. Je les connais presque. Mais en fait, les agents ont changé cette année, mais je connais encore la moitié du nom des agents par leur nom. Bref, tout ça pour dire que il n'y a pas nécessairement une hausse, je pense, parce que j'ai beaucoup passé de temps à la chasse-galerie aussi cette année. J'ai pas vu une hausse. Il y a toujours des incidents qui se produisent, au moins un par semaine minimum, si c'est pas deux. Puis, c'est pas tant que ça, je pense, un fléau, puis quelque chose qui est en hausse. Bref, je peux me tromper, je passe plus de temps dans le bar qu'à l'extérieur, mais je semble pas avoir... Il y a toujours eu certains incidents qui se sont produits au bar, puis il y en a toujours qui vont se produire. Ça reste un bar, c'est ça. C'est ça, ça reste un bar aussi avec des gens en état d'ébriété à l'intérieur. Les commentaires ont quand même des bons points sur le post. Oui, c'est ça, mais ils continuent avec « Devrions-nous augmenter le cover afin de réduire le taux de fréquentation? » Comme ils font dans d'autres universités. Exactement. « Serait-il temps de commencer à faire comme à Sherbrooke et d'autoriser le non-étudiant à fréquenter le bar seulement s'ils sont accompagnés de deux étudiants de l'université? » Qui est logistiquement plutôt compliqué à... Oui, assez. Et personnellement, je pense que ça serait une bonne chose. Lui, il dit ça. « Je ne détiens pas de solution miracle. Toutefois, je pense qu'il faut se prononcer et agir avant que la situation dégénère davantage, en espérant être entendu. Un élève bien déçu de ce que la chasse est devenue. » Il a été entendu pas mal parce que j'ai vu que la chasse a été taguée là-dessus et en plus, des serveurs et serveuses de la chasse ont tagué d'autres serveurs et serveuses de la chasse. Donc, ça s'est rendu au sommet. On a entendu un petit peu parler. On va voir ce que ça va donner. C'est sûr que c'est du chialage pour chialer, mais il y a un petit fond de vérité quand même là-dedans. Il y en a qui suggéraient d'agrandir la chasse. Il y en a qui suggèrent d'y aller des autres jours. Aussi. D'autres jours. Ouais. Le lundi puis le jeudi. Apparemment, c'est des très bonnes soirées si on veut discuter, jouer à des jeux, socialiser. C'est lundi, c'est l'impro. Qu'est-ce que le jeudi? Il n'y a rien le jeudi, bien souvent. Il y a l'événement. En fait, tu peux réserver la chasse pour faire des événements. Donc, ça peut faire des parties de financement pour des associations. Mais c'est souvent assez relax. C'est, exactement. Ou bien, il se passe absolument rien. Là. Ouais. Mais on dit que majoritairement, le mercredi, maintenant, la moyenne d'âge est rendue de 18-19 ans. Ça se peut. J'ai pas remarqué, par exemple. Il y a plus de gens du cégep maintenant. Tu sais, comment ça s'appelle le bar pas loin d'ici, là? Le Café Cognac? Non. Manchester? Le Manchester, est-ce que c'est fermé? Je vais vérifier. Non, non, il y a une soirée ce soir. Parce que j'ai comme l'impression que certains gens du cégep ont justement associé la chasse-galerie au nouveau Manchester. Ah, peut-être. Ah, ça se peut. Mais en même temps, je trouve la chasse-galerie plus propre. Oui, shots fired. Quand même, il y avait une suggestion aussi d'ouvrir le 10-12. C'est ce qu'il faisait avant. Le 10-12 mettait plus de l'électro intense, puis la chasse-galerie était plus chill les mercredis soirs. En même temps, c'est qu'il y avait des coûts supplémentaires qui étaient reliés à ça. Puis bref, ça coûtait cher ouvrir le 10-12. Les gens savent pas, ils font juste proposer genre agrandir la chasse. Ouais, c'est ça. Des millions. Mais c'est que ça pourrait être intéressant, considérant qu'on aurait un line-up à tous les mercredis comme il y avait la semaine dernière lors de la relâche du cégep. Si jamais continue d'avoir beaucoup de monde puis d'avoir de la misère à rentrer comme ce fut le cas, probablement. Hey, je recommence à prendre mon langage de politicien. Ça nous quitte jamais vraiment, non, ça. Non, c'est Alex. Ça. Chaque fois qu'il y a un enjeu qui touche quelque chose qui nous tient à cœur. Bref, tout ça pour dire que oui, si jamais il y a une clientèle assez forte, j'imagine que la gérance de la chasse-galerie puis le conseil d'administration, parce que maintenant c'est une société par action, si vous étiez présent à l'Assemblée générale de la GE le 27, vous et en avez été vous très conscient. Oh, exactement. Moi, j'y étais puis bref, je me passe de commentaires parce que j'ai rien de positif à dire. tout ça pour dire que si oui, il y a assez de monde, j'imagine que la chasse-galerie va réagir puis va peut-être réouvrir le 10-12. Ben, s'il y a de l'argent à faire, j'imagine que. C'est ça, il faut dire que aussi, c'était une nouvelle session, un nouveau début de session aussi. Pour plusieurs. J'y suis allée à quelques moments, certains mercredis. C'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup de gens. Mais c'est normal, on est en début de session. Là, ça va commencer à s'alléger probablement. Il faut dire aussi que de mon observation de, d'état financier, puis ça, vraiment, c'est, je reste sans toute réserve, c'est qu'il y a une grosse fonction par cycle aussi d'étudiants de brosser des cycles de 3 ans, pour, comme pour à peu près tout à l'université. Les étudiants qui s'impliquent aussi, c'est des cycles de 3 ans généralement. Puis là, on est vers une hausse qui va probablement atteindre son sommet cette année. Parce que les 3 dernières années, on a connu une forte hausse de l'achalandage à la chasse-galerie, puis de la, du bénéfice, mettons, qui n'a pas été dégagé, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais il y a une grosse réduction, par exemple, de la perte au courant des dernières années, puis ça pourrait y aller vers un équilibre cette année. On ne le saura pas parce que c'est une société par action, mais on va le savoir à la fin de l'année financière. Société par action, est-ce que c'est quand même une OSBL? Est-ce qu'ils doivent réinvestir l'argent dans les activités de la chasse-galerie ou de l'AGE? En fait, c'est que le fonctionnement de la société par action fait en sorte que l'AGE est un holding un peu. Donc, c'est une fiducie de l'AGE qui, elle, la chasse-galerie doit... la chasse-galerie, en fait, va être un organisme à but lucratif qui va financer un organisme à but non lucratif. Donc, si jamais... La chasse-galerie est à but lucratif pour financer une OSBL à but non lucratif. Exactement. Donc, une société par action doit payer de l'impôt en théorie si elle dégage un profit. Okay. Sauf que le rendement, le bénéfice net, en fait, va être remis à un organisme sans but lucratif qui, lui, devra le réinvestir dans les activités étudiantes et dans les bien-être des étudiants, en fait. Ce qui est la fonction de la GEQTR, de veiller au grain puis de... En gros, des pains et des jeux aussi. Hey, tu penses un peu qu'on allait poser des questions sur des affaires politiques de l'AGE un matin? Ben, ça me fait plaisir d'éclairer la lanterne étudiante, honnêtement. Et ça t'engage à rien. Aujourd'hui. Exactement. T'as le droit de dire ce que tu veux. Maintenant, oui. Il va être honnête maintenant. Le filtre. Mais Alex étant un fervent... je vais pas dire buveur, un fervent connaisseur de la chasse-galerie. Ouais, c'est un fervent. Ben, tu sais, mettons, j'aime bien. T'as-tu trouvé que dans les derniers temps, il y avait plus de monde? Je dirais oui. Ben, c'est pour dire que j'ai commencé un mois sans alcool il y a 2 semaines, par exemple. Hey, high five, un peu moins. Ouais, sauf que hier, tu sais, je disais que j'avais la tête dans les nuages, puis il y avait une bouteille de vin. Oh. Fait que j'ai échoué mon mois sans On retire l'high five. Bouf. Annuler l'high five. Ouais, flop. Tu sais, ça fait le contraire d'un clap. Ah non, ça serait plus un palc. Un palc. Ouais. Excellent. Mais bref, tout ça pour dire que oui, c'est. Mais je vous le recommande, sérieusement, après avoir fait de l'exercice physique, se bourrer la face sur le top d'une montagne dans un nuage, à boire du vin puis à avoir de la pluie qui te coule dans le dos parce que c'est vertical dans un nuage. C'est pas vertical, je veux dire, c'est horizontal. C'était assez fucked up comme expérience, puis je le referais. Ouais? Ouais. Merveilleux. Mais est-ce que tu le referais avec une bouteille de vin ou non? Ben oui, honnêtement, ça vient rajouter un certain charme, je dirais, à toute l'expérience. Ben c'est sûr que côté nature, ça doit être très, très beau. On communique bien avec la nature. Ben en même temps, ça aurait été le fun. On communique bien avec la nature avec du vin. On était 800 mètres de haut, en fait. Puis on voyait une rivière qui avait l'air pratiquement d'un ruisseau. Là, c'était rendu minuscule. Sauf que, étant donné qu'on était dans le nuage, tout ce qu'on voyait, c'était un pitch avec de la brume. Oh. On voyait rien. Là, fait qu'on savait pas à quel point c'était profond devant nous autres, genre en bas des roches. Fait que, c'était un peu, honnêtement, c'était un peu bad trippant. Ça faisait peur un peu, mais on a pris plein de photos, puis bref, on a eu du plaisir. C'est ça, Instagram. Ouais. Non, mais pas encore, parce que c'était un bon appareil photo, fait Instagram tantôt. Ok, c'est ça. Tout ça pour dire que oui, tout ça pour dire que j'ai échoué mon mois sans alcool à cause d'une montagne. Tristesse. Hey, j'aime pas ça. C'est un beau rituel, par exemple, de boire une bouteille de vin en haut d'une montagne, je vous le recommande. Et en plus, prochaine fois, ça va être mousseux, par exemple, parce que. Ouais. T'as commencé ton October il y a 2 semaines, donc ça veut dire que le mois était déjà comme à moitié, comme à, t'sais, au quart. Mais je sais pas si c'était pour l'October. Non, ben en fait, plus ou moins. C'était plus pour les intras. Là, les intras étant passés, honnêtement, j'avais comme c'était plus facile de, t'as raison, de me laisser de slip. Ouais, exactement. Mais en même temps, c'est un rituel pour moi. Chaque fois que j'arrive sur le top d'une montagne, moi, j'ai fait au moins 3-4 montagnes cet été. J'ai toujours bu une bouteille de vin sur le top. Fait que là, honnêtement, j'ai regardé mon verre. Là, j'étais comme, je le fais dessus, je le fais pas. Ça a pris au moins un bon 2 minutes avant que je le moment de. Ouais. Ouais, après ça, je l'ai mis dans ma bouche. Puis là, j'ai laissé rouler pendant un bon 20 secondes. Tu sais, le temps que le vin devienne chaud. Puis là, après ça, je l'ai avalé. Je fais comme. C'était peut-être une bonne décision. Mais, déjà, juste que tu avais amené ton alcool au sommet. C'était pas moi, en fait. C'était pas toi. Acheté, mais c'était mon idée. Tu t'en sauveras pas. Je sais. Mais bref, tout ça pour dire que je vais quand même terminer le mois. Parce que là, j'étais sur une montagne dans un nuage. C'est des circonstances exceptionnelles. C'était sur les eaux étrangères. Là. C'est comme quand t'es en avion, le sexe. Ça compte pas. Exactement. Fait que, au lieu de finir le 8, je vais finir le 9. Puis bref, je vais me reprendre. J'ai fait une erreur, je vais continuer. Pour Tania, sache qu'il te reste exactement une semaine. Oui, je sais. À October. Merci. Ouais. Merci. C'est très bien. Pas besoin de te dire. Non, je pense que non. Merci beaucoup, Alex Marchand. Ça fait plaisir. On te toujours plaisir de passer. Ben, mais, hein, la semaine prochaine. Avec plein de surprises. Nouveau nom, nouvelle intro, tout ça. La semaine prochaine, c'est toujours les mercredis à 8h. Oui. Dans quelques instants, David Ferron va être avec nous pour la chronique du Zone Campus. Salut, David. Salut, tout le monde. Qu'est-ce qui s'en vient tantôt? Il s'en vient des trucs intéressants pour le Zone Campus. T'es aussi vague qu'Alex Marchand. Ouais, c'est ça. On a les intrigues les plus poches, David. Genre, ne restez surtout pas à l'écoute pour la chronique du Zone Campus. Non, partez, parce que de toute façon, je vais parler du Zone Campus, mais mais fait... t'es donc ben... Franchement. Tu te rabaisses toi-même. Ouais, non, ben, en fait, ça va être une semaine pas nécessairement plus tranquille parce qu'il n'y a pas de partition au journal, parce que les Patriotes, il n'y a eu que deux sports, mais... En fait, c'est une fin de semaine où il n'y a pas eu beaucoup de sport. Ouais. Mais dans ces sports-là, c'est passé bien des choses. Ah, tu vois, ça, c'est un... Vraiment, ça, c'est un intrigue. Wow. Tu sais, inspire-toi-en, ouais. Alex Marchand. Merci là-dessus. On revient dans deux minutes avec la chronique du Zone Campus. Restez là. À son âge de qui? Toi, aujourd'hui. À son âge de qui? Vous êtes toujours dans l'émission matinale Assemblage Requis, accompagné de Tania Baudin. Et de Mathieu Plante. Oh, que oui. Oh, David Ferron. Bonjour. Salut. Hello. Ça va bien? Ben oui, vous deux. Oui. Ben oui. T'es étiré sur ton fil d'écouteur comme si. Oui, si l'écho. Tu voulais jouer au limbo en dessous. Ouais, exactement. Ça va être un peu compliqué, faut mais. Pas que tu bouges, dans le fond, c'est ça? Non, faut pas. Bref, c'est la chronique. Maintenant, c'est le moment de parler d'actualité sur le campus. En fait, c'est ça. Il s'en passe bien des choses sur le campus. Il n'y a pas juste des gens qui chialent sur la chasse-galerie. Non. Il n'y a pas juste l'odeur aussi la par rapport à la chasse-galerie. Disons qu'on est rébauchement, on parle beaucoup de la chasse-galerie quand même. Oui. Donc, c'est la chronique Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Zone Campus, c'est le journal qui sort une fois par mois. C'est un journal mensuel, ici même à l'UQTR. Et David Ferron est le rédacteur en chef. Il vient nous parler comme ça chaque semaine de ce qui se passe de nouveau dans chaque section. Ben oui, parce qu'il y a la radio C'est fou, mais aussi la chasse-galerie et plein d'autres choses. Plein d'autres choses, il n'y a pas juste nous autres. Il n'y a pas juste le Nerf et Beauchemin, comme pavillon, en fait. Ben non, c'est... Il y a eu des choses qui se sont passées avant la semaine de la relâche. Semaine de travaux et de lecture. Oui, c'est vrai, parce que moi, j'ai pas eu encore le temps. Je travaille un petit peu, même je suis pas souvent au bureau, je travaille sur la zone campus. Non, non, c'est ça. Il y a personne qui t'a accusé de pas... Ben non! C'est juste parce que mon âme est là pareil. Oui, c'est ça. On le sent, d'ailleurs. Hein? Oui. On entend des petits bruits partout dans le bureau, puis on se dit en sûrement que David doit être chez eux en train de faire du bruit. Oui, exactement. C'est ça. Ou en train de manger. C'est comme quand tu dis le nom, David Ferron, puis là, t'as ta petite oreille qui se lève. Ben oui, d'ailleurs. Comme un chat. Ben oui, d'ailleurs, parlant de manger, mais j'ai tout de suite allé à la chronique d'Alassania qu'on a mis en blog la semaine dernière. Mm-hmm. Ça s'appelle Un grain de science à la fois, une histoire d'horloge qu'elle explique notamment l'impact d'un manque de sommeil. Et parlant de manger, c'est quoi le lien entre le sommeil et le manger? C'est qu'il paraît que si tu dors pas assez, il y a une hormone qui va sécréter et qui va te donner le goût de manger plus gras, moins santé. Oh. Mmh. Donc, si vous dormez pas assez, ça se peut que vous ayez des problèmes de pancréas. C'est ça le lien. C'est possible. Donc, ça donne pas envie d'en avoir. Donc, le café, ça peut aider à très très court terme, mais le sommeil, ça aide. Donc, effectivement. Quand t'as le rhume, c'est ça qui est difficile. Hein. Cette nuit, j'ai dormi encore une fois en bloc d'une heure et demie. Je me suis levé à 4h du matin, j'arrivais pas à me rendormir. Ouch. C'est plat. Mais là, t'as l'air d'avoir quand même une plus belle voix. La voix, oui, ça va mieux, mais le feeling à l'intérieur de ma tête, non. Ah, ça, c'est triste. Ouais. Tania a l'air aussi d'avoir une plus belle voix depuis un certain temps. Ouais. Nous avons des belles voix. Ouais, si tu veux t'intégrer là-dedans. Oui, t'as une belle voix, bon. Quand t'animes l'obtrotteur, mettons, là, ça devrait revenir, cette émission-là. Oui, je le sais, mais j'ai pas le temps. Ouais. Peut-être à la prochaine session. Faudrait être à la botte, c'est ça l'affaire. Ouais, mais même à ça, c'est quand même une heure de préparation puis une heure d'animation. Ouais. C'est 2 heures de mon temps, mais j'aime ça. C'est juste que le temps me le permet pas. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. On mais s'ennuie de toi. Ah, merci, vous êtes fin. Mais pour revenir au chroniqueur, il y a également le sujet du suicide de la part de Kevin. C'est pas très jouissant comme sujet, non. Mais c'est quand même assez nécessaire de lire la chronique de Kevin, qui est d'ailleurs son avant-dernière chronique. À vie? Oui. Il arrête en janvier? Non, en fait, même pas. C'est son avant-dernière chronique, parce qu'il va avoir 2 autres chroniques après. OK. Donc, celle-là et celle qui va paraître sur le format papier dans 2 semaines. En novembre, donc il n'y aura pas de chronique en décembre? Non. Exactement. Ah, c'est dommage. Mais on a bien aimé la contribution de Kevin qui apportait, qui lui était le chroniqueur de psychologie. Depuis très longtemps. Oui, ouais. Oui. Donc un pilier du journal, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est des débats de vétérans comme Marc-Christine Perrin-Sauzard et tout. Donc c'est comme Attends un peu. Marc-Christine Perrin-Sauzard qui est aussi. Oui. Tu me dis ça comme ça sans nous avertir. Ben non, mais vous le saviez déjà. On le savait. Non. Mais aussi, donc on a 2 départs de vétérans. Ben, voyons donc. Ben oui. Qui partent de leur propre gré. Oui, oui, exactement. Parce que c'est des gens qui ont plein de projets, qui sont avancés quand même assez bien dans leur scolarité, dans leur vie professionnelle aussi. Kevin, je crois qu'il est chargé de cours aussi à l'université. Mmh. Mère Christine qui enseigne aussi. Ah, faut bien arrêter éventuellement de participer à ces activités-là. Comme oui, c'est triste. On est toujours déçus quand des vétérans chevronnés comme eux partent, mais c'est la vie. Ouais. Et d'ailleurs, on voudrait les saluer et les remercier grandement pour leur contribution. Et voilà, absolument. C'est important. Donc, aussi, quelle autre chronique a eu? La chronique littéraire de Judith Étier. Oui, elle continue, là. Oui, à la Sonia aussi, la chronique sexologie, mais je vais y revenir plus tard. Ouais. Les autres restent là, il va y avoir une nouvelle chronique aussi, j'ai dévoilé ça dans les prochaines semaines. Pour remplacer le spot de l'autre, de Kevin. Oui, exactement, mais ça sera pas une chronique psychologie. OK. Mais on vous en parle plus tard. C'est intriguant pas mal. David, on sait que t'as du goût dans ton choix de journaliste et de chroniqueur, donc ben, merci. La barre est haute. Mais j'ai des gens intéressants qui veulent travailler pour le Zone Campus, c'est ça qui est le fun. Ben oui. C'est lui, Étienne Villeneuve, qui revient pour sa chronique cinéma, d'ailleurs, qui va paraître sur le format papier dans 2 semaines. Ouais. Donc, Judith Étier nous parle d'un livre de Fanny Britt, qui est aussi une scénariste pour l'émission Jeunesse notamment, mais elle écrit des romans aussi. Mm-hmm. Fanny Britt, ça s'appelle Les Maisons, et ça peut avoir l'air cliché parce que le titre, ça s'appelle Et si l'on pouvait changer de vie. Là, ça a l'air d'être une promo Canal Vie. Oui, avec c'est ça, mais on pas... l'efface et on recommence. Mais pas, de la croix. Mais pas du tout. En fait, c'est une agente immobilière qui se met en crise existentielle. Il paraît que l'écriture est quand même assez subtile, assez fine. Ça a l'air aussi Canal Vie, par contre, l'immobilier. Oui, tout est fait pour ça, mais l'écriture de Fanny Britt est assez subtile, c'est assez bien écrit, c'est pas larmoyant. Ouais. Donc, sinon, je pense pas que c'est le genre de Judith non plus. Non. Donc, il y a aussi La Petite Vite d'Éliane Baudry, une nouvelle chroniqueuse sexologie, parce que Anthony Morin, mais il y a aussi Éliane Baudry et Merlou Denis qui vont se relayer également, en remplacement de Mademoiselle Perrault. Ouais, c'est ça. Ouais, Perrault, c'est ça? Oui, Perrault. Exactement. Marie quelque chose. Hein? Marie-Ange Perrault. Marie-Ange Perrault, donc. On l'a déjà oublié! Ben non, faut pas l'oublier! Il y a un roulement, hein? Ben oui, exactement, ça roule beaucoup cette année. Ben, ils sont 3 au lieu de 2 pour écrire cette chronique-là de sexologie. Oui, plus d'idées. Oui. Donc, elle va parler justement des gens qui seraient pas nécessairement officiellement en couple ou des gens qui courent 2 lapins à la fois. Et comme elle le dit si bien, Eliane, dans sa phrase choc, c'est « Cependant, à force de jouer au chat et à la souris, il peut devenir difficile de se retrouver. » Ah! Donc là-dessus, vous pouvez lire là-dessus et voir une petite idée de ce que vous en pensez, parce qu'il y a le sujet, en fait, il n'y a pas de sujet encore de Zone Campus, mais il y a de plus en plus dans les médias le polyamour. Oui, ben oui. Mm-hmm. Il y a de plus en plus. On en parle plus, pas qu'il y en a nécessairement plus, ouais, probablement un petit peu, parce que là, on entend parler puis on sait que ça existe. Là. Ben peut-être, ça va être moins tabou au cours des prochaines années, donc... Après, justement, les relations sexuelles qui sont de moins en moins tabous, le polyamour, qu'est-ce que vous en pensez? Petit débat. Ben, j'ai rien contre. Pour vrai, la monogamie a toujours été quelque chose qui a été imposé par la société sans raison, à mon avis. Mais, hein? Je vais le dire comme ça. Ben oui, c'est ton opinion. Ben ouais, c'est ça. Et toi, Tania, crois-tu au prince charmant qui va être ton époux toute la vie? Non, mais je crois pas nécessairement au polyamour. Ah, OK. Tu vois? Ah, c'est intéressant. J'ai rien contre la monogamie non plus, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ça, c'est que est-ce que c'est faisable la monogamie? Est-ce que ça se fait pas? Comment ça dit? Ben c'est sûr que c'est 2 partenaires consentants qui mettent une autre personne ou 2 autres personnes consentantes. On l'espère que tout le monde est consentant là-dedans. Ouh. Ah, l'amour c'est compliqué. C'est ça. Mais quelque chose de complexe aussi techniquement, donc là je tombe en art et spectacle, c'est la pièce Les Offrandes au Centre culturel Pauline Julien qui a eu lieu jeudi dernier. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ben, cette chose, c'est pas une chose, mais c'est assez particulier parce que c'est une pièce de théâtre qui a eu lieu et à Trois-Rivières et à Victoriaville en même temps. Ah, OK. Oui, en fait, il y avait... comment ça marchait? C'est qu'il y avait une personne qui était à Trois-Rivières, tandis qu'on voyait... En fait, il y avait la danseuse qui était à Trois-Rivières, si je me trompe pas. C'était la danseuse Mariana Ruliana Velez. Mm-hmm. Et t'avais les musiciens qui, eux, étaient à Victoriaville. Avec un écran vidéo? Hein? Oui, exactement, ah, cool. Qui était présenté. Et la danseuse, justement, Mme Velez, était présentée à Victoriaville en vidéo. C'est cool, ça. Oui, la technique Mélenchon. Mélenchon? Oui, parce que Jean-Luc Mélenchon, qui est un candidat à la à la présidence française, bien lui pouvait donner des conférences partout en même temps. Ouais, ben oui. Grâce à cette technique. Mm-hmm. Donc, c'est une technique qui est assez originale, mais qui permet justement la collaboration entre deux centres d'art, je vais pas me tromper, Centre d'art Jacques et Michel Auger de Victoriaville et le Centre culturel Pauline Julien au Cap de la Madeleine. C'est le fun que la technologie soit rendue assez bonne pour pouvoir envoyer du son de bonne qualité. Parce ouais, que, exactement, ah, oui, exactement, sans délai. Sans délai. Oui, oui. Là, sans délai. C'est quoi la chanson? Je sais pas. Donc, justement, le côté virtuel, la virtualisation des personnes n'est plus un truc de grande star comme c'était il y a 10 ans, par exemple, au Super Bowl. Mais c'est devenu maintenant un terrain de jeu pour l'art qui est un petit peu plus artistique, plus pas underground. Mais on voit que c'est un palier qui intéresse de plus en plus les arts dans tous les domaines. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Sinon, il y a le parcours de peur de la vieille prison de Trois-Rivières. Oh. C'est un zone lab. Oh, vous êtes allés, les journalistes du zone campus, visiter ça en personne? Oui, Marianne Chartier-Boulanger et Caroline Filion. Cool. Ils sont allés et nous parlent de leur expérience. Est-ce qu'elles sont mortes d'une crise cardiaque ou pas? Si elles ont écrit l'article... Ça dit ma réponse. Oh, ah, mais c'est... peut-être qu'elles ont fait la main tremblante. Trop terre à terre. Ah, peut-être, oui. Peut-être. Allez voir sur zonecampus.ca et l'onglet Zone Lab pour aller voir tous les Zone Lab depuis le début de la saison. Il va y en avoir d'autres, hein, il va y en avoir plein qui sont en chantier en ce moment. Oui, donc, sur le Krav Maga. Krav Maga. Oui. Okay. Ça, c'est une technique d'autodéfense dont j'ai participé hier. Oui! Mm-hmm. Donc, si vous me voyez boiter aujourd'hui, c'est pour ça. Et aussi parce que j'ai X-Fit lundi, mais bon... C'est du CrossFit en X-Fit, c'est ça? Oui, c'est un style aussi. Un style de CrossFit? Oui, exactement. Donc, aussi, par contre, des athlètes, mais autrement, des athlètes de la pensée spontanée, c'est-à-dire des gens qui sont vite sur leur patin, des gens d'improvisation, parce que Marianne Chartier-Boulanger parle du match des Bleus et Oranges qui a lieu lundi, pas celui qui était... La semaine de relâche, qu'il n'y a pas eu de match, l'autre avant. Oui, exactement. Donc, qui nous parle d'un match qui est toujours... qui a eu moins de monde à la chasse-galerie. Au début, c'était... on se demandait si ça allait avoir du monde. Finalement, ça s'est quand même pas mal rempli. Oui. Ça s'est rempli autant que que l'impro, il y a peut-être 4-5 ans où il y avait un petit peu moins de monde. Là, maintenant, c'est rendu bourré les dernières années. Donc, c'est comme revenu à une genre de normal. Puis là, ça va revenir à super rêvé. Mais c'est les examens d'initiation, c'est pour ça. Ouais. Mais ça a l'air que les athlètes de l'improvisation, eux, ils étaient bien, bel et bien présents sur la scène. Oui. Donc, c'est le plus important aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au sport. Oui. Donc, j'ai dit, il n'y a que deux sports en fin de semaine, soccer et hockey. Mm-hmm. Et ça a été une grosse fin de semaine, mais de manière différente pour chacune. Au soccer, il y a eu deux matchs chez les filles, deux matchs chez les gars, mais il n'y a eu qu'une seule victoire. Chez les filles, ça a été deux défaites, une contre Sherbrooke et l'autre contre l'Université de Montréal. Pour les gars, c'était une victoire le vendredi contre Sherbrooke, mais une défaite de 6-1 le dimanche contre les Carabins de l'Université de Montréal. Par contre, malgré les défaites, ça a permis une deuxième fois à Ariane Clou, qui est la gardienne de but soccer féminin, d'être patriote de la semaine pour une deuxième fois cette année. Et l'année vient de commencer. Là. Et c'est très, très rare. Ouais. C'est sûr qu'elle a bénéficié aussi du fait qu'il y avait juste le soccer. Ouais, mais quand même. Mais en même temps, oui, ça prouve qu'elle était quand même solide. Le match de dimanche, elle a eu quand même 17 tirs contre elle. Ouais. Donc, c'est très fort. Félicitations. Oui, au hockey, là, c'est un peu plus victorieux. C'est deux victoires. Au début, durant les matchs préparatoires, c'était un petit peu en dentis parce qu'il y avait beaucoup de nouvelles recrues, beaucoup d'indiscipline. Et là, en fait, ça a bien fonctionné parce que contre les Thunder Wolves de Thunder Bay, victoire le vendredi 3-1 et victoire le samedi 4-1. Mm-hmm. Et pourtant, il y a eu quand même en deuxième période du samedi 4 pénalités de la part des Patriots en deuxième période, une seule contre les Thunder Wolves. Et il y a même eu une période où il y avait 3 joueurs des Patriots contre 5 de la part de Thunder Bay. Mais par contre, ils n'ont pas réussi à faire un but. Ils ont réussi à le faire qu'un seul but contre 4 buts. Tu peux pas tout faire, là, quand t'es attaqué comme ça. Oui, mais c'est ça, parce que les Patriots n'étaient que 3 joueurs et ils ont réussi quand même à avoir une bonne offensive et une bonne défensive. Ouais. Cool. C'est assez particulier, mais bravo pour les Patriots. Ouais. On espère que ça continue comme ça, ce qui fait en sorte que ça fait 4 victoires d'affilée en saison régulière. Ça augure bien. On craignait un peu pour, durant c'est ça, les matchs préparatoires, où ce que là, défaite, victoire, mais là, ça va bien. Peut-être que Marc-Étienne Hubert, qui est le coach, devrait devenir entraîneur pour les Canadiens, mais on le perdrait. Ouais, c'est ça. Ce qui n'est pas une bonne idée. Non. En actualité, parce qu'il s'est passé des choses aussi, dévoilement du thème du carnaval. Oui, ben c'est sûr qu'à chaque année, le thème est dévoilé et ça revient un petit peu toujours au même. C'est encore des trucs genre des années 90, pas mal. Cette année, c'est particulier. Tu trouves? Parce que oui, il y a les années 90, mais aussi les années 80 et les années 2000 aussi. C'est vrai. Parce qu'on fête les 30e anniversaire et pour fêter les 30 ans du carnaval, eh bien, le thème, c'est retour vers le carnaval. Mm-hmm. Donc, chaque association doit incarner un événement important de l'année qu'ils ont pigé. Par exemple, je vais donner un exemple là-dedans. Il y a, par exemple, Harry adaptation Potter, scolaire. Ouais. En 91, c'était la sortie du film La Belle et la Bête. Mm-hmm. Donc, ils doivent faire La Belle et la Bête. Sinon, en titre québécoise, c'est 2006, c'est la sortie de James Bond Casino Royale. Mm-hmm. Donc, c'est ça, chaque asso, c'est pas nécessairement obligé d'être... Bien, souvent des films ou des représentations culturelles. Donc, ouais, c'est surtout ça. Mais en 2016, c'est l'élection de Donald Trump qui va être incarnée par communication sociale. Ah, ça, c'est drôle. Donc, Tania, t'aimerais ça te déguiser en Donald Trump? Je suis pas certaine que je vais pouvoir participer au carnaval. Ah, non? Non. En Melania Trump, ça va. Ouais. Or not. Or not. Qui, elle, va dans les écoles pour sensibiliser les enfants par rapport à l'intimidation. Ben oui, c'est très logique. Oui, très. Est-ce qu'elle a intimidé des gens? Non, mais elle connaît ça, un intimidateur. Ah oui. Mm-hmm. Ben, c'est justement, elle parle en connaissance de cause. Ah, ouais, ça. Elle va dire aux enfants, mariez pas juste parce qu'il est riche. C'est ça. Faites pas la même erreur que moi. Mais bon, puis là, t'es rendu First Lady. Ben oui. Assume. Et voilà. Donc, sinon, il y a eu le 5 à 7 d'automne des cycles supérieurs qui est organisé par la GEQTR. Donc, c'est un moment pour les étudiants de cycles supérieurs, maîtrise, autant maîtrise que doctorat, de se rencontrer d'une manière conviviale et d'oublier les travaux. Mm-hmm. Oui, exactement, parce que faire un mémoire, une thèse, c'est un grand effort. Donc, si les gens peuvent, en fait, tirer sur la plaque, comme on dit, de manière familière. Oui, comme tu fais des fois avec tes écouteurs. Oui, exactement. Tirer de manière familière avec mes écouteurs. Jusqu'à temps qu'ils déchirent. Donc, sinon, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Il y a eu le laboratoire. Ça, en fait, le 5 à 7, ça a été rapporté par Marc-André Arsenault. Mm-hmm. Donc, un collaborateur très dévoué, un nouveau journaliste qui veut beaucoup. Très intéressant. Qui a 10 ans de radiophonie derrière lui. Mm-hmm. Donc, il a été animateur de radio professionnel pendant 10 ans. Comment ça fait qu'il n'a pas son émission? C'est fou, là? Ben, c'est ça. Mais il est occupé aux zones campus. Mais... C'est pour ça. Il n'y en a rien qu'un par mois. C'est de notre faute. Oui, mais il y a plein d'exclus blogs. C'est plus juste des exclus blogs. Tu le sais, Mathieu. Je me trouve drôle quand je fais ça. Mais je sais, t'es mignon. Ouais, merci. Ah, oh, t'es tellement mignon. T'en mets un petit peu trop, là, je trouve. Mais... C'est ta seule qualité, Mathieu. Ah, merci. À part d'être drôle et faire des jeux de mots de la mort. Caractère de merde. Ben non. Ça, c'est quand t'es grippé. Ouais, vraiment, hein, je sais. Mais quelque chose que ce caractère aussi, c'est justement le nouveau laboratoire phonétique Molson Boulet. Hein? Oui, parce que Molson ne s'implique pas juste dans les breuveries. Mais c'est le même Molson, là. Ben, en fait, c'est Andrew T. Molson qui est le président de la Fondation Molson, okay, ainsi qu'un associé de l'Avery Avocat, c'est-à-dire Maître Jean Boulet. Mm-hmm. Maître Jean Boulet qui est en fait le neveu de Gilles Boulet, qui est le premier recteur de l'université. Oh, wow! Donc, ces deux-là ont contribué financièrement à une chaire phonétique et ce but-là, c'est en fait, c'est permettre d'avoir de l'argent pour développer des outils de pointe pour permettre d'accroître les capacités langagières dans l'apprentissage d'une langue seconde. Donc, si t'es francophone, t'apprends l'anglais et si t'es anglophone, t'apprends le français et ouais, de plus en plus, il y a de plus en plus d'étudiants internationaux qui ne parlent pas français et qui viennent étudier à l'UQTR, donc c'est parfait pour eux. Et justement, il va avoir justement bientôt des moniteurs étudiants qui vont aider leurs collègues aussi. Il va avoir des cours aussi, des périodes libres aussi pour les étudiants pour qu'ils améliorent leur capacité langagière. Il paraîtrait que la technologie serait de pointe. Super. Donc, c'est pas mal tout. C'est pas mal le tour de ce qui s'est passé aux ondes campus. Ah, il dit tout le temps qu'il y a peu d'affaires à couvrir dans sa chronique, mais c'est tout le temps chargé à bloc. Oui, exactement. Tout le temps plein de sujets. Tu minimises encore ton... Mais non! Oui, oui. C'est juste que je pense toujours que je vais être là pendant 10-15 minutes. Pente. Mais non, je suis trop passionné, je pense. Ben, c'est ça. Quand tu fais ce que t'aimes, ça paraît. Oui. Hein? Bon. Donc, on te lit dans le Zone Campus, sur zonecampus.ca, sur la page Facebook, facebook.com/zonecampus. Oui, ben pas juste moi, mais... toutes mes, toute l'équipe. C'est, ça, exact. C'est lui le chef de tout ça, là, mais il run ça à sa main pas mal. Ah, mais j'ai également un bon appui de la chef de pupitre, Marie Labrousse. Tout à fait d'accord. Qui fait un excellent travail. Pour se quitter, tu nous as trouvé une petite pièce musicale, là, David. Oui, émaillé. Ah ouais, tu vas nous faire jouer du émaillé. Oui, du rap. Ben, je sais pas, je peux pas dire que c'est du rap. C'est comme du hip-hop avec... Ouais. Je sais pas comment la décrire, elle est indescriptible. Oui, ben on l'écoute? Oui, ça s'appelle Know It and It Right. Tout de suite à l'assemblage requis. C'était MIA avec la pièce Know It and It Right tirée de son album Matangi. Ou Matangi, je sais pas trop comment le prononcer. Ouais. Matangi. Matangi. Matangi. Matangi. Merci David Ferron. Ben, merci de m'avoir accueilli encore une fois. Bonne suggestion musicale, on aimait ça. Ben, tant mieux. Mm-hmm. Ouais. Tu nous amèneras d'autres choses la prochaine fois. Ben, je vais essayer. T'as une petite chanson. Oui. On prend une pause au retour. Malheureusement, on n'a pas Gabriel Béaud aujourd'hui pour la chronique dans les coulisses de la nuit. Eh bien, non. Ben, non. Mais quand shame. Même. Shame. Shame on you. Non, c'est la semaine de relâche. C'est le premier qui est pas là, finalement. Ah oui, quand même. Ben, c'est bien. C'est vrai. Mm-hmm. Ça. Tania va être là au retour avec sa chronique. Qu'est-ce qui s'en vient, Tania? On parle de relations. Oh boy. Eh là là. On parlera pas de polyamour, David. Je suis non, désolée. Non, pas de polyamour. Non. Shame. Non, ça, va être... ça va être intéressant pareil, je suis pas mal sûr. Ouais, ouais, ouais. T'es rempli d'hashtags aujourd'hui. Shame. Ouais, mais c'est parce que c'est une référence à Game of Thrones. Shame, shame, shame, shame. Spoiler alert, là, il y a de la honte là-dedans, faut pas se me dire ça, c'est pas possible. Ouais, il y a pas juste l'inceste dans Game of Thrones. Non. Et, ou de la polyamour. Je veux pas le savoir, non? Mm-hmm. Troisième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 25 octobre 2017. Elle est Tania Bonnard. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. C'est Tania justement qui va nous parler dans quelques instants dans sa chronique Tania is gonna entertain ya. Plus tard à l'émission, on va aussi faire du sexe, mais ça devrait pas là en fin d'émission. Mais avant ça, une petite pièce musicale de Cold Specs, nouvelle entrée de la semaine passée. Voici Wild Card. So long, so long. From the hopes I let them roll, I waited too long, too long. Come up and suddenly say no more, no. Avoue que la ressemblance est marquante. C'est très très fort. Ça me fait penser à ça à chaque fois qu'on l'écoute. bref, toujours l'assemblage requis. Maintenant, c'est Tania Is Gonna Entertain Ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. She's gonna entertain ya. Un peu moins de variance dans les notes dans ma voix. J'ai un range très très serré ces temps-ci. Hein? En effet. On parle de relations aujourd'hui et pas la relation interpersonnelle entre toi et moi. Là. Non, pas entre toi et moi, mais si on est en couple, Donc non, mais... De toi et moi, mais il y a des gens qui sont en couple, pareil. Okay. Et tu sais à quel point, parfois, on aime ça, jaser de ce qui se passe dans un couple. Ah. On a déjà entendu parler du ghosting. Oui. On a déjà entendu parler du love bombing. Oui. Du breadcrumbing aussi. On a déjà discuté de tout ça. Oui, on s'en rappelle pas nécessairement de tout, mais... Bien, ghosting, la personne arrête de te parler. Okay. Elle disparaît. C'est tout. Le breadcrumbing, ça revient toujours un petit peu. Ah oui, parce que ça, c'est une porte ouverte. C'est ça, elle se laisse toute une petite porte ouverte. Puis le love bombing, ben, c'est de donner beaucoup d'attention dans les premiers temps, puis après ça, tu disparais. C'est pire, ça, je pense. Parce que t'as créé une habitude. Oui. Ouais. Mais là, je vous amène ce matin... La petite nouvelle. Oh boy, c'est ça. Le petit nouveau. Je vous parle du stashing. Le stashing. Oui. Ça a rapport avec les moustaches du Movember. Non? Ah, si seulement. le stashing, ça vient de faire son apparition. En fait, on a réussi à mettre un nom sur ce fameux phénomène. C'est une nouvelle dérive amoureuse qui consiste à cacher l'existence de son partenaire à ses proches. Aïe, aïe. Oui. C'est intense, genre pas rencontrer les parents, pas rencontrer les amis, le cercle d'amis, rien du tout. C'est ça, exactement. Ça veut dire qu'on parle pas de cette personne-là sur les réseaux sociaux, ni à sa famille, ni à ses amis. Donc finalement, le résultat de tout ça, c'est une situation qui est quand même dure à vivre, on s'entend. Ouais. Et c'est une perte de confiance. C'est sûr. C'est sûr et certain, ça vient avec. Donc si vous êtes en couple depuis maintenant plusieurs semaines, ça se passe quand même bien. On peut dire que vous êtes à l'étape de la fréquentation. Vous dites que, votre copain ou votre copine va peut-être, à un certain moment, vous présenter à ses amis. Oui. Tu sais, je pense qu'il y a une étape qui vient avant les parents, c'est celle des amis. Souvent, la première étape, c'est genre le statut Facebook. En tout cas, pas pour moi. C'est la fin, ça? Ouais, c'est ça. Ok, je sais pas. Ouais. Donc, vous avez comme l'impression d'être une espèce de fantôme dans sa vie. Vous n'êtes pas certain de ce qui se passe. Mais tu penses pas importante, là. Sachez que vous êtes victime de stashing. Ah, voilà. Eh bien, oui, c'est quoi le stashing, en fait? C'est la mise à l'écart de ses amis, de sa famille et de ses collègues lorsqu'on est en relation. Mm-hmm. Donc, tout a l'air de bien se passer dans votre relation. Vous êtes complices. Vous sortez beaucoup. Ouais. Vous êtes compatibles sexuellement, évidemment, ça vient avec. Mais vous commencez vraiment à vous accrocher, puis vous avez comme pour vous-même, pour votre besoin personnel ou pour le besoin du couple, vous avez besoin de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire rencontrer les proches de ce compagnon ou de cette compagnonne. Mm-hmm. Tout dépendant de quel sexe vous êtes ou ce matin. Ou de polyamour, là. Ou de polyamour. Les compagnons. Les compagnons. Ou les proches. Donc, par peur de brusquer, vous voulez pas trop aborder la question. Quand est-ce que je rencontre ta famille? Sauf si ça fait beau dehors. C'est ça, exact. Tu changes de sujet. Ah, ta mère, elle aime ça quand il fait beau, là. Donc, vous vous dites peut-être que votre partenaire est timide. Oui. Ou vous vous dites que vous avez tout le temps pour les présentations parce que ça fait juste commencer votre relation. Oui. C'est encore tout frais, tout beau. Il n'y en a pas de problème. Il y en a qui peuvent penser que c'est eux le problème, comme dans « Ah, je ne dois pas être assez bon pour rencontrer ses parents », mais il y en a d'autres qui vont se dire « Ok, ben c'est peut-être parce que ses parents, genre, c'est des criminels endurcis. » Ben peut-être. Ils sont super sévères. C'est ça, ils sont peut-être sévères. Ou il y a peut-être des antécédents dans tout ça. Tu sais, il y a peut-être des choses qui sont arrivées par le passé, puis là, ils disent « Ah non, je veux pas que tu rencontres ma famille. » Ils ont traumatisé mon ex. Blablabla. Exactement. Bonjour papa, non c'est pas vrai. C'est une blague. Donc on se dit qu'on veut pas trop le brusquer par peur justement de peut-être le froisser ou la froisser, mais ça vous tient quand même à cœur de devoir rencontrer sa famille et surtout ça commence à vous rentrer dans la tête que peut-être qu'il vous tient à l'écart de sa vie. Tu sais, vous êtes une partie de sa vie. vous passez un bon moment de son temps ou de votre temps avec cette personne-là. Mais pourtant, sur les réseaux sociaux, c'est le même problème. Vous apparaissez nulle part. Vous vous faites pas taguer. Ouais. Il vous tague pas. Est-ce que c'est vraiment un problème, là, on s'entend? Là, c'est rediscutable. Ben, c'est souvent d'un bord, le tagage. Non? C'est ça. Ben, ça dépend. Ça peut être des deux côtés. On peut ne pas taguer ni un ni l'autre. Ouais. On peut quand même discuter sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, je pense que les réseaux sociaux, ça englobe quelque chose d'autre qui est aussi discutable et qui est ouvrable à un fort débat. À une autre chronique. C'est ça exactement, mais ça veut dire que vous êtes peut-être tombé dans le piège du stashing ou littéralement en anglais, vous avez été mise de côté. Ben c'est ça, le cachotage, la cachoterie. C'est ça, exactement. Donc, qu'est-ce qui pourrait définir le stashing en tant que tel? Ça pourrait être une peur de l'engagement. Ben, ça ressemblait à ça à date. Donc, le stasher, comme on l'appelle, la personne qui fait du stashing. Le moustachu. Le moustache. j'ai pas mis sur le moustachu. Le moustachier. Le moustachier, c'est mais bon. Mais tu sais, c'est comme dans un chapeautier. C'est ça, importe. Exactement. Il n'y a pas de jeu de mots à faire. Non, non, non, il n'y a pas de jeu de mots à faire. C'est le moustachier. Comme un chapeautier. Ben, c'est ça. Exactement. Donc, le stasher, qu'on pourrait appeler comme ça, ou le metteur de côté, ça adore compartimenter sa vie. Des tiroirs. Des tiroirs. Probablement que lui mange en étapes. Ouais. Il veut pas que sa bouffe les se touche. Les petits pois avant, les patates, puis la viande après, ou dans un autre ordre, mais tout ça mis ensemble, ça fonctionne pas c'est dans ça. Sa tête. Donc, sous aucun prétexte, il va souhaiter mélanger sa partenaire à son cercle d'amis ou à sa famille. Ça a du sens, je peux comprendre. Parfois, c'est ça, c'est comprenable. Donc, il fait très, très, très attention à tous ses faits et gestes, surtout en ce qui concerne les réseaux sociaux. Ben oui. Parce qu'on veut pas que les gens, la plupart du temps, aient une pensée quelconque. On va compartimenter notre vie réseaux sociaux à notre vie sentimentale. C'est un peu, je dirais, possessif ou de vouloir contrôler l'information. Parfois, ouais. Je suis d'accord avec ça. Si vous êtes quelqu'un qui travaille en communication, c'est peut-être une de vos forces aussi. Donc, vous apparaissez sur aucune de ces publications. Il y a probablement, à un certain moment, pris des photos. Vous avez peut-être pris des photos, mais ces photos-là, vous les retrouvez absolument à nulle part. Ouais. Il vous tague jamais. Il conserve même pas de photos de vous deux sur son téléphone. C'est toutes vous qui les avez. Il vous invite d'ailleurs à en faire de même. Donc, à les supprimer après les avoir prises. Et vous, si vous refusez, ben il va commencer un petit peu à s'énerver. Parce que là, vous allez commencer à rentrer dans son compartiment. Et il a perdu le contrôle. Donc, au fond, soit il a vraiment peur de l'engagement, c'est quelque chose qui l'effraie, soit il sait que cette relation-là, ça n'a pas nécessairement d'avenir. Ouais. Mais il veut pas vous le dire. Pour l'instant, ça va, gardons ça comme c'est là. Exactement, ouais. Ça va bien, là. C'est quoi le problème? Ouais, pourquoi, change pas les choses. Pourquoi tu veux rencontrer mes amis? Pourquoi tu veux rencontrer mes parents? Tu vas gagner hein? Tu veux pas le dire, ça changera rien. Hey, hein? Donc, dans le dernier cas, il se dit qu'il est bien avec vous. Mais qui envisage rien de sérieux pour le moment. Au lieu d'avoir une discussion franche, il préfère utiliser le stratagème déloyal. Il préfère faire du stashing. Le stashing, c'est un danger pour l'estime de soi. Si vous êtes la personne qui se fait faire du stashing par le stasher ou la stasher. Mais là, si t'as appelé l'autre le moustachier tantôt, là, la personne qui le reçoit, c'est quoi, là? Je pourrais te dire... Ce serait un meilleur nom pour la personne qui reçoit le moustachier. Ouais. L'autre, c'est le moustache. OK, c'est lui bon. Le moustachier, ouais, c'est bon, ouais. C'est vrai ça. Donc, le stashing, c'est quand même une pratique qui est humiliante à un certain moment. Ouais. Il faut faire attention. Le problème avec le stashing, c'est qu'on se rend pas nécessairement tout le temps compte de la situation tout de suite. Mmh. Tu peux pas nécessairement étiqueter ton nouveau partenaire de vie comme étant quelqu'un qui a peur de l'engagement puis qui va compartimenter sa vie comme un malade. Ça se fait-tu, ça, sur Facebook, le statut, genre, en couple avec cette personne-là, mais veut pas s'engager et... Ça devrait. Ouais. Ça, on pourrait l'ajouter dans un compliqué. Il y avait ça dans ouais, le temps. It's complicated. Hein? It's complicated. Mm-hmm. Ça pourrait rentrer dans cette section-là. Donc, on préfère, en fait, trouver des excuses à ces personnes-là. Ceux qui font le stashing, le stasher ou la stasheuse, on va dire à nos proches, à nous, qui sont prêts à le rencontrer, que c'est un grand timide, qu'on aime mieux prendre notre temps, que tout va bien se passer, ouais. Ça va venir. Pourtant, au fond de vous, vous avez un petit feeling que ça se passera pas. Ça fait vraiment penser au meme, tu sais, du petit chien dans une maison en feu puis qui dit tout va bien. Oui, exactement. C'est parfait. Tout est parfait. Mais là, vous allez commencer à vous remettre en question. Oui. Pas le remettre en question. fouille-moi pourquoi, ça c'est être humain. Pourquoi c'est tout le temps on remet jamais la personne qui est devant nous en question, on se remet tout le temps en question nous-mêmes. Donc on va commencer à perdre confiance en nous. Vous allez vous sentir un petit peu moins à la hauteur et vous allez vous attendre à une reconnaissance qui va être perpétuelle. Ça veut dire que si vous faites quelque chose pour la personne, vous allez commencer à vous attendre qu'elle fasse quelque chose en retour pour vous aussi. Ça veut dire que vous allez prendre conscience de tout ce que vous faites pour cette personne-là, mais que cette personne-là ne fait absolument rien pour vous. Donc, votre partenaire, de son côté, pense qu'à lui ou qu'à elle, on s'entend. Oui, c'est ça. Et va s'inquiéter beaucoup moins de vos états d'âme que des siens. Comment est-ce qu'on arrive à sortir de cette situation qui est un petit peu douloureuse? Parce que t'es en train de dire que faut pas régler le problème pour que ça devienne correct. Il faut sortir de cette situation-là comme dans s'en aller? Ça dépend. Ah. Il faut d'abord communiquer. Oui. Parce que si vous faites juste partir, le stasher ou la stasher va recommencer. Oui. Ça sera pas nécessairement avec vous, mais elle sera pas. Oui. Vous pouvez peut-être parler de cette peur de l'engagement-là. Essayez de savoir si c'est vraiment une peur de l'engagement, si c'est vraiment du compartiment qu'on essaie de faire, ou si vous êtes un stasher, que vous le savez que vous faites ça. Assumez-vous. Assumez-vous. Hein? Donc, on va vous expliquer peut-être que justement, on a vraiment envie de prendre son temps. Ça se peut. Ça se peut que ce soit vous qui voyez les choses bien comme elles sont, un petit peu trop rapidement. Oui, peut-être c'est ça. Il y en a qui sont vite en affaires. C'est ça. Ouais. Peut-être que vous n'avez pas passé par une étape quelconque encore qui est bien détaillée dans son cheminement de vie, de relation. On n'a pas tous le même rythme. Exactement. Donc, pour être sûr de la sincérité de ces gestes qui comptent, on veut s'en assurer. On veut discuter avec cette personne-là. De toute façon, on est en relation, on devrait être capable de discuter de quelque chose. Et si vous avez fini par être en relation, c'est parce qu'à un certain point, vous avez discuté, j'espère. Ouais. Donc, si au bout de quelques jours, l'attitude de la personne avec qui vous partagez vos moments de sentiment, son attitude change. On vous inclut un petit peu plus dans sa vie. On commence vraiment à inclure une partie. Vous avez rencontré quelques-uns de ses amis. Le message est passé. Laissez-lui une chance. Oui. Il ne faut pas nécessairement partir en courant et dire « T'es un mangeur de marde ou t'es une mangeur de marde! » Non. OK? Il faut laisser la chance à cette personne-là. Mais il faut faire attention. Il faut quand même rester, surtout au début d'une relation, là, si ça fait 3 ans, il y a quelques questions à se poser. Mais si ça fait juste 1 mois, par exemple, qu'on se fréquente, on n'est pas trop sûr si on est sur la limite de pouvoir rencontrer les parents ou non encore. 1 mois, c'est pas très, très long. On n'a pas abordé l'hypothèse qu'il est peut-être marié. Il est peut-être marié! Écoute, non, mais ça se il peut. Te l'a pas nécessairement dit. Parce elle que peut être mariée, elle peut être déjà en couple. C'est ça. C'est des choses qui arrivent. Ça donc, se peut, ça. S'il vous répond que vous exagérez, ou s'il répond que vous essayez de trouver des excuses, cours, fuis, va-t'en. Cet homme-là n'est pas prêt à s'engager, il ne sera probablement jamais prêt à s'engager. Elle parle d'expérience, elle parle d'expérience. Salutations. Donc, vous avez déjà perdu assez de votre temps. Oui. Tu sais, je pense que si ça fait... Si ça fait un bon moment... Vas-y vague, vas-y très, très vague. Si ça fait déjà un bon nombre de mois que vous fréquentez la personne, que vous voyez la personne, que vous sentez que la personne qui est à vos côtés, c'est quelqu'un que vous aimeriez garder dans votre vie, mais ça change absolument rien. Vous en avez déjà discuté à plusieurs reprises avec cette personne-là. Vous êtes peut-être juste pas compatible. Ouais, c'est difficile à admettre. Hein. C'est des choses qui arrivent. C'est assez difficile aussi de voir les signes de tout ça, du stashing, le moustachu puis la moustachier. Là. Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans cette situation-là? Ouais. Est-ce que tu as un petit quiz pour nous? Bien évidemment. Merci. C'est franchement. C'est ça. Hey, beau minute, c'est sûr que. Hein? Comment est-ce que vous allez savoir que vous êtes un petit peu, pas nécessairement victime? Parce qu'on doit dire que les gens qui vont être des stashers ne sont peut-être pas au courant qu'ils sont en train de vous stasher. Ils font pas ça pour mal faire. Ils font pas ça pour mal faire. Mais si vous leur dites pas, là, vous devenez une victime. Oui. Parce que là, vous allez pas lui dire. Si tu lui dis pas... Oui. Si tu lui dis, tu vas être victime. Parce que là, il va le savoir. Fait que là, maintenant, ça devient établi mais, du stashing. Mais ça ne va pas nécessairement être une victime. Ça veut, vous allez juste être au courant de la situation. Ah. Des deux côtés. Ouais. Mais s'il s'en fout, là, vous avez été victime là, de stashing. Oui. On s'entend. OK. Donc, vivre le stashing, ça peut arriver, comme je le disais, sans même le réaliser. que ce soit du côté du stasher ou du côté du stachier. Donc, ça peut durer quand même assez longtemps. Le phénomène, ça va souvent être caché sous le prétexte de la timidité, comme je le disais tout à l'heure, ou encore les précautions, on veut faire attention, c'est pas trop. On dit ne pas vouloir trop ébruiter la relation dans les débuts par peur que ça fonctionne pas. C'est très, très fréquent chez les nouvelles personnes. Avant, j'ai eu ce genre de discussion-là avec des personnes de dernière génération, donc la génération avant nous. C'est quelque chose qu'on voyait pas nécessairement souvent, ou du moins, on le savait pas parce qu'il y avait pas les réseaux sociaux pour le spread partout. Maintenant, c'est comme de la margarine, les réseaux sociaux. Peu importe ce qui va se passer, on va le savoir en moins de temps et ça va très bien se mettre dans le fond de la poêle et couler. Donc, il y a des choses qui ont changé de génération en génération. Ne pas vouloir trop partager ses sentiments sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une mauvaise chose. Sachez-le. Par contre, il y a des choses qui n'ont pas d'affaire aux autres. Et là, ça va peut-être commencer à gâcher votre propre magie. Si il vous chicane de l'avoir... Ben, pas chicaner, là, mais si la personne vous dit « Hey, t'aurais vraiment pas dû me taguer là-dessus, là. Pourquoi tu m'as tagué? » Te reproche un peu, là. Ouais. Si on vous fait du reproche d'avoir tagué quelqu'un, peut-être que là, vous devez commencer à vous poser quelques questions. On va se dire les vraies choses aussi. C'est correct de pas ébruiter une relation dans les premiers mois. Il y a souvent des raisons quand même, là, ça se oui, peut. Oui, exactement. Mais n'importe qui va commencer une nouvelle relation ne veut pas que ça se termine trop tôt. On veut pas que ça se passe mal. Ouais. Mais on va toujours avoir une crainte. Donc, c'est sûr que si on ébruite très, très, très rapidement, mettons dans les premiers jours, la situation, il y a de fortes chances que ça tente... C'est comme dans n'importe quoi. T'annonces, je suis sûr que je vais avoir tel job, blablabla, puis finalement, t'as pas la job, là, faut que tu... Ben, ça peut devenir exaspérant aussi. Tu sais, les personnes, là, que ça fait 2 semaines qu'ils sont ensemble, là, puis qu'ils crient tous les toits, puis qu'ils sont déjà en couple sur Facebook, semi-mariés et engagés. Hey, wow! J'ai dit wow. Ben oui. Sauf que si après plusieurs mois, tu vous apparaissez toujours pas sur les réseaux sociaux de cette personne-là, vous n'avez pas encore rencontré ses amis ou sa famille, comme on le disait, ça se peut bien que vous soyez en train de vous faire du stashing. Ouais. Votre partenaire va peut-être pas va utiliser en fait une pression psychologique pour vous empêcher de rendre votre relation publique. Si vous établissez à un certain moment que ça fait quand même un bon temps que vous êtes ensemble, vous vous dites, je vais marquer sur mon Facebook que je suis en couple. Mais pas nécessairement avec lui, je suis en couple. Exactement. Okay. Ça se peut que la personne avec qui vous êtes va essayer de trouver des excuses pour que vous ne le fassiez pas. Mm-hmm. Donc, par exemple, mais tu devrais pas faire ça, là. Tout le monde va te poser des questions. Ouais. À quoi ça sert de poser des questions? On s'en fout, là, avec qui t'es en couple. Nous, on le sait, c'est-tu pas correct, juste de le savoir, nous deux? Ça cache quelque chose. Ça pourrait vous mettre une puce à l'oreille. Si les deux sont d'accord de pas mettre ça sur Facebook, il y en a plein du monde qui veulent pas se mettre ça. Exactement. Et comme tout à l'heure, on disait, bien, il y en a qui ont des parents qui sont super difficiles. Oui. Il y en a qui ont des amis dont on n'est pas trop, tu sais. Il y en a un. Ou genre, tu sais, juste n'importe quoi de vraiment niaiseux, comme genre, tu sais, je sais pas, ton nouveau chum est noir. Oui. Tes parents pas ça. Exactement. Tu sais, c'est malaisant. Il faut faire attention. Il faut prendre le temps de s'auto-détacher d'une relation aussi. Parfois, faire une rétrospective sur notre relation, ça peut être la meilleure chose. On peut se poser la question nous-mêmes, est-ce que la personne avec qui je suis est en train de se trouver des excuses? Ouais. Est-ce que je suis en train de lui trouver des excuses ou est-ce que moi, je me trouve des excuses? Là, si à ces trois réponses-là, vous avez répondu oui... On savait qu'il y avait un quiz qui s'en vient. Il serait peut-être temps de changer de relation, là, je dis ça comme ça. Mais le problème principal du stashing, c'est de ne pas exister, surtout sur les réseaux sociaux pour nos partenaires. Donc, c'est pas quelque chose que nos parents connaissaient, par exemple. Ouais. Parce qu'il n'y en avait pas de réseaux sociaux. Tu rencontrais des amis parce que tu sortais d'un bar. Ouais. C'est souvent là que tu rencontrais la personne. Tu peux quand même cacher un peu ta relation en les sortant jamais. Exactement. Tout à la maison. Donc, il y a un petit peu l'équivalent. Là, oui, il y a un peu l'équivalent. Mais ça, c'était pas du stashing. Ça se voyait moins. Oui. Tu sais, exactement. Ouais. Ça s'appelait pas du stashing. On n'avait pas mis de nom là-dessus, tout ça. On met des noms sur tout de nos jours. Exactement. Et côté émotionnel, comme on le disait tout à l'heure, le danger, c'est le manque de valorisation. Le mal à l'estime que ça va causer chez la personne qui se fait stachier. OK? Qui se fait cacher, en théorie. Donc, le sentiment de ne pas être à la hauteur pour être présenté, là, vous allez vous poser des questions. « Hey, veux-tu pas me présenter à ses amis ou à ses parents parce que j'en vaux pas la peine? » Est-ce que dans sa tête, Ça durera pas. Ça durera pas. Mm. Là, vous allez commencer à le savoir. Vous allez pas mal avoir... Posez-vous pas ces questions-là après deux semaines, s'il vous plaît. Non, non. Okay? Non, attendez une couple de mois. Oui. Tu sais, les questions grosses comme ça, là, à vouloir savoir si on veut rencontrer les parents après trois semaines, c'est peut-être parce que vous voulez trop un compagnon ou une compagnonne. Peut-être. Peut-être. Ça fait peut-être okay? un petit peu désespéré. Oui. Et en passant, une première date avec les parents, c'est non. Non, non. Date on essaye. À quatre, hein? Là, non. J'ai déjà fait ça dans ma vie. Je suis désolée, je t'ai amené. Tu l'as initié? Ben, ils connaissaient déjà mes parents. Votre première date était officiellement, c'est toi qui as initié ça avec tes parents et ses parents. Ouais, je l'ai invité à un souper. Wow. Ouais. Wow. Ben, ça a quand même... Ça a pas bien fini. Hein. Non, ça a pas bien fini. Mais bon, hein, on parlera pas de mes horaires du passé. On le salue. Il est plus à Trois-Rivières, anyway. Donc, ah, t'as exposé son nom? Oui, on salue P.A. Donc, peu importe la relation, il y a des drapeaux rouges qu'il faut jamais ignorer aussi en amour. Si on se tasse un petit peu du côté du stashing, là, si on parle autrement que juste le fait de se faire cacher par son compagnon ou sa compagnonne, eh bien, il existe des drapeaux rouges qu'il faut pas ignorer dans une relation. Donc, en partant, si on fait preuve de manque de respect et de courtoisie l'un pour l'autre, c'est un drapeau rouge. C'est pas toujours évident au début parce que chacun va se présenter à son meilleur au début d'une relation. On va le savoir, on va se le dire. Mais c'est pas une mauvaise idée d'observer de quelle façon cette personne-là va interagir avec les autres. C'est surtout ça qui va être intéressant. On peut observer sa façon de se conduire avec nous, mais il faut aussi regarder sa façon de conduire si on en a l'occasion. Donc, c'est sûr que là, s'il vous cache, c'est un petit peu moins le fun. Mmh. Vous n'allez pas voir comment il réagit avec ses amis. Mais c'est aussi de voir justement les situations de service. Si vous êtes, par exemple, dans un restaurant, comment est-ce qu'il va parler au serveur ou à la serveuse? Si vous êtes dans un bar, comment est-ce qu'il va tiper? Ah, oh oui, c'est important pour toi, ça. Ben oui. Ouais. Courtoisie, respect... Ce genre de choses-là, si vous voyez que ça se fait pas nécessairement, bien, ça peut être un bon drapeau rouge que vous êtes peut-être pas avec la bonne personne. Si on a déjà à la base une mauvaise communication, ça, je pense qu'on le dirait jamais assez. Toutes les psychologues des relations interpersonnelles en ont déjà discuté. L'élément le plus important dans les relations amoureuses, c'est la communication. Et c'est quoi avoir une bonne communication? Bien, c'est justement être capable de dire ouvertement quand quelque chose va pas ou d'être capable de s'exprimer clairement quand on veut ou quand on veut pas quelque chose. Donc, si vous pensez... Là, je vais faire un petit lien avec le stashing. Si vous pensez être dans une situation comme ça, si vous êtes à la base pas capable de communiquer ce problème-là, il y a une forte possibilité que vous devriez peut-être quitter cette relation. Ouais. Trouver quelque chose de plus facile. Si, à la base, votre relation ne s'est jamais basée sur la communication. Si, à la base, vous avez rencontré votre gentil petit partenaire... Sur le dance floor. Vous n'avez pas discuté, vous avez frenché dès la première soirée. Ben ça se peut que ça n'existe pas entre vous deux. Peut-être que si vous parlez, vous avez tellement des divergences d'opinion extrêmes que vous n'aurez jamais un terrain d'entente, peu importe ce que vous allez dire. Donc, c'est pas mal un drapeau rouge comme quoi votre relation ne devrait pas fonctionner. Le manque d'honnêteté dans une situation, dans une relation. Combien de fois est-ce que vous vous êtes retrouvé, par exemple, à un rendez-vous pour vous rendre compte que la personne a menti sur son âge ou toute autre information la décrivant sur son profil en ligne? Comme, par exemple, sa couleur de cheveux, sa grandeur, son poids, peu importe. Là. Ça, c'est vraiment très physique. Là. Mais le type de personne, en général, il y a toutes sortes de bonnes excuses pour expliquer quelque chose qui se sont auto-permis. C'est peut-être un petit manque d'honnêteté. Ben c'est ça. Si ça va ça commence amener par ça, à d'autres puis... problèmes. Exactement. Ça peut être un bon indicateur comme quoi vous devriez peut-être pas être avec cette personne. Ouais. Si la personne avec qui vous voulez être ne s'est pas écoutée. Comment? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? La personne est super bonne pour parler. Ouais. Mais quand tu parles, elle t'écoute pas. Elle pense à sa prochaine phrase. Vous avez certainement pas envie de vous retrouver dans une relation avec une personne qui est égocentrique. Non. Et souvent, les gens qui ont un petit peu de la difficulté à écouter, bien, ça va justement ressortir le fait d'être peut-être un petit peu égocentrique. Ouais, narcissique, pense seulement à soi-même. Exactement. Il faut faire attention entre ne pas écouter et ne pas savoir quoi répondre. C'est ça, oui, oui. Il y a une différence. Il y a une différence sur... ce dont on discute aussi. Oui, parce que ça se peut que t'écoutes et que tu dises « OK, je sais pas quoi répondre à ça, mais au moins je t'entends. J'ai pas de solution pour toi, mais tu sais, je comprends. Pour certains, j'ai de l'empathie. Ben c'est ça, exactement. Pour certains, ça va tout simplement être résolu en « Ben là, tu m'écoutes pas quand je parle. » Ouais. Non, c'est juste que je suis peut-être pas la bonne personne à qui tu le dis. C'est ça, oui, c'est bon ça. Si vous étalez vos problèmes de vie dès la première date, ça se peut que la personne devant vous, je sais pas quoi répondre. Mm-hmm. C'est peut-être un indicateur que vous devriez pas discuter de tout ça avec cette personne-là. Ouais. OK, on s'entend. Mais si ça fait déjà un bon moment que vous êtes ensemble et que la personne a toujours de la difficulté à vous écouter... Communication, dites-lui. Dites-lui, et si vous voyez qu'il n'y a aucun changement, peut-être que ça devrait être un drapeau rouge comme quoi votre relation n'ira pas super loin. Mm-hmm. Si la personne ne respecte pas vos propres limites, tout à l'heure, on parlait de rencontrer les proches d'une autre personne. Si pour vous, un mois, c'est pas assez avant de rencontrer une personne dans un début de relation, et c'est, votre limite, c'est... tu rencontres pas ma famille, mes amis ou peu importe, en bas de 3 mois de relation. Mm-hmm. Je sais pas, juste vraiment sur le fly. Si la personne avec qui vous êtes ne respecte pas ça, ça peut devenir tannant un petit peu. Ça peut devenir des limites sur autre chose aussi. Par exemple... Mettons, ouais, il veut tout le temps te traîner à une place, puis toi, t'aimes pas cette place-là, quelque chose exact. Comme ça. Exact. Ouais. Ma limite, c'est je me suis dit, jamais j'irai à ce bar-là. Ouais. Je ne rentrerai jamais là. Ça ne m'intéresse pas. Tu sais, OK, les compromis, cool, mais tu sais, si t'aimes pas ça, ou tu sais... C'est ça. Ça prend des limites saines dans une relation. Ouais. C'est pas parce que tu décides de sortir avec tes chums de gars ou c'est pas parce que votre compagnon décide de sortir avec ses chums de gars qu'automatiquement, ils vont aller aux danseuses. C'est ça. La limite est peut-être de laisser sortir avec ses chums de gars, OK? Ouais. Faut savoir faire... Faut doser. Exactement. Peser le pour et le contre, ouais. Doser, communiquer, encore une fois, communiquer. C'est le mot-clé là-dedans. C'est ça. Et il faut faire preuve de condescendance. Mais c'est un indicateur que vous devriez peut-être changer de couple, OK? Faire preuve de condescendance. OK, on n'aime pas ça. Donc, c'est ça, on n'aime pas ça. Si vous avez l'impression que l'autre personne essaie de vous diminuer... Oui. Tout le temps, on vous rabaisse, de quelque façon que ce soit. Ou elle cherche constamment à vous montrer qu'elle en sait plus que vous. Ouais. Ou oui, c'est ça. Ou t'expliquer les choses comme un enfant. Exactement. Ou on va tourner tout ce que vous dites au ridicule. Ouais. Activez l'alerte rouge. Mm-hmm. Partez, fuyez. Ouais. Même si ça fait 3 mois. C'est ça. C'est pas grave. Si vous avez déjà en partant accepté ça pendant 3 ouais. mois, c'est peut-être que vous aviez pas des bonnes limites. Non, puis quelqu'un de condescendant va des fois aller du côté de la voyons, comment t'appelles ça, du sexisme. Oui. Et des trucs comme ça. On parle d'une relation égale à égale quand on est en couple. On veut souvent se ramasser avec notre meilleur ami. Mm-hmm. Si votre meilleur ami est tout en train de vous rabaisser, là, c'est peut-être parce que c'est pas le bon meilleur ami. Mm. Je dis ça comme ça. Ouais. Il faut faire la différence aussi entre faire des blagues et être méchant. Oui, c'est ça. Comme je le disais, il faut équilibrer. Il y a juste un milieu ton, à avoir. Blague, exactement. Là, ouais. Donc, les relations de couple, en terminant, c'est tout le temps compliqué. Il faut se faire confiance. Il faut faire confiance à l'autre personne, mais toujours en ayant une limite sur ce qu'on veut établir. Mmh. Et il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, faire peut-être juste une petite rétrospection sur ce qu'on est à deux ouais. au lieu d'être ce qu'on est un à un. Juste ça comme ça. Bien dit. Voilà. Comme toujours. Le stashing, puis... Stashy, c'est ça. C'est le stashing, hein? Stashy. Mais encore une fois, c'est pas... Oubliez pas de le dire à votre partenaire si vous en êtes victime. Oui. Si vous pensez que vous êtes en train de vous faire mettre de côté. Est-ce que tu te rends compte que tu veux pas ça? Ou est-ce que tu te rends compte que ça fait tant de temps qu'on est ensemble, puis... Personne me connaît dans ton entourage, mais tout le monde dans le mien te connaît. T'sais, peut-être qu'il sait, puis peut-être que ça va faire que la relation va se terminer en direct devant vous là. Ça se mais peut. Des fois, c'est le prix à payer pour avoir un peu de respect envers soi-même. Des fois, c'est le prix à payer, voilà. C'est ça. Merci, salutations. Tania. Salutations, Pierre. Non, c'est plus. Non. Une autre chronique de Tania Isgolette, je Tania tous les matins de semaine à Assemblage Rocky. Merci encore. Ça fait plaisir. On se quitte en musique pour l'instant, oui. pour ce bloc-ci, avec une pièce qui est très dadon, en fait. Pas parce que ça parle de drogue, mais plutôt parce que le band est Partner. Hein? Ah oui. Donc voici Partner et Everybody Knows à Assemblage Rocky. We'll be right back. to go out. Now everything is cinematic and the Big Lebowski. I'm in the California desert, it's the 1990s. In the dairy section, I see my reflection. Everybody knows you're high. She had to go too. And on the deck while I waited for her to get dressed, I sparked up another one. And I was such a mess that I confessed that my professor wouldn't look me in the eye. You see, everybody knows you're high. On se t'aime pas cette pièce-là. Oh, canon. Everybody knows. Everybody knows you're high. The Partner. Au retour, ben, de la musique, là, puis d'autres affaires. Mais parce oui, parce que... qu'on vous en a pas fait jouer beaucoup ça. Aujourd'hui, quand même. C'est ça notre excuse. Il y a Alex Marchand qui en a fait jouer. Oui. David Ferron, mais nous... Sébastien aussi en a fait jouer. Oui, c'est vrai, OK. Nous autres, on a fait jouer comme deux, trois. Oui, c'est ça. J'ai le cœur qui me lève. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de chronique. C'est ça. On vient. Il se fait stacher. Je me fais stacher par moi-même. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. 89. À sondage de qui? De toi aujourd'hui. À sondage de qui? Toujours dans l'émission matinale Assemblage requis, mm-hmm. accompagné de Tania Baudin. Et de Mathieu Plan. OK, oui. On vous a dit qu'on allait vous offrir de la musique ce matin. C'est pas faux. Chose promise. Chose faite. Chose faite là, là. Alors voici Phoenix de Pony. Pony, tout de suite, Assemblage requis. Yeah. La pièce est Alien de Laura Sauvage en Angleterre. Ah, en Angleterre. En Angleterre. En anglophone, on est à Trois-Rivières en ce moment. Ben oui, exactement. Avant ça, c'était Pony avec Phoenix. Ouais. C'est là-dessus qu'on termine Assemblage requis pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci aussi, bien sûr, à Sébastien Guertin pour son bulletin Guertin. Merci à Alex Marchand pour sa chronique musicale Nightlife. Et à David Ferron pour sa chronique Zone Campus. Malheureusement, Gabriel Béhaud n'était pas avec nous, mais il va être là la semaine prochaine pour résumer le match de lundi prochain. Merci à toi, Tania. Merci à toi, Mathieu. Bien sûr, ça fait plaisir. Plus tard sur nos ondes, je crois, si je me trompe pas, c'est la dernière ou sinon une des dernières émissions originales de Compte à rebours qui s'en vient dans quelques instants à 10h. Ensuite, à 13h, l'émission de Xavier Cliche et sa collègue VHS. À 15h, le Mathieu Plante Show. Est-ce qu'il va être capable de la faire encore cette semaine? Est-ce qu'il va en manquer une douzième cette année? On va voir. À 17h, Audiomatique. À 18h, écoutedonc.ca, l'émission de musique alternative. Sif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On se quitte avant l'émission Compte à rebours avec une autre pièce du palmarès anglophone. C'est celle de The Pack ID. Dollhouse. Dollhouse. À demain 7h, Tan. Bon café, tout le monde. Ouais, merci. Ouais. Merci. Ouais. Bye. Ouais, on fait ce qu'on peut. Hein. Ouais. We'll be right back. tous.